Amis gamers, amis gameuses, bonjour, bienvenue dans La Gueulante. C'est votre nouvelle émission de débat présentée par les amis du Pixel. Aujourd'hui, autour de la table, on a Soy Soy, notre chargé de com. Comment vas-tu, Soy? Ça va, merci. D'emblée. Ça commence par putain. Ça commence par putain. Eh ouais. Non, mais j'allais dire putain, merci pour l'affiche, quoi. Genre, bim, si la com est pourrie, c'est moi, tout le monde est au courant. Merci, j'apprécie. Non, du tout. Mais, c'est, ah non, mais la com est bien, c'est moi par non, contre. La com pourrie, c'était avant, quand okay. Moi je faisais le pas de hashtag balance Facebook. Toujours. Hein. Tout à fait. Autour de la table également, on a Tilissa. Salut, salut tout le monde. On se retrouve après un certain temps hors des ondes, hors podcast. C'est ça, hors cool, rien. Où on n'a rien fait ouais, en fait. Ouais, mais hein. C'est carrément ça. Mais ça fait on plaisir. On était tous de en se vacances, retrouver, vous l'avez comme ça, on peut le dire comme ça. Ça fait plaisir de se retrouver un peu tous autour de la table, là, autour des micros, c'est cool. Et on a également notre invité, il nous connaît depuis longtemps, mais vous ne l'avez jamais entendu. Dans nos émissions encore, c'est PPX32. Nico, comment vas-tu? Salut, salut tout le monde. C'est ma première fois, donc je vais y aller doucement. Mais... Après, ça va être bon. Ça va être bon. Titre, voilà. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est la première. Et on va quand même pas oublier notre présentateur, notre président d'assaut. Seb. Seb. Hein, on va l'appeler comme ça. Mais on dit Monsieur Boutonnours. Monsieur Boutonnours. Ah, bravo, alors, on savait pas, on a trop. Non, mais j'attendais la précision. Est-ce j'ai qu'on pouvait officiellement qu'on changer d'espèce depuis. Monsieur Boutonnours, qui est là pour nous présenter et être avec nous sur les discussions et gérer un peu tout ça. Et pour cette première émission, on a choisi de parler de la Switch, comme tout le monde, hein, vous allez dire. Mais bon, il fallait bien qu'on donne notre avis. Il n'y a pas de raison. Tout le monde le fait, on va le faire aussi. Et pour parler de la Switch, évidemment, bah, il a bien fallu qu'on en achète une. Non, ah, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Non, mais la mauvaise foi de ce mec, quoi. C'est la seule raison qui a fait qu'on l'a acheté. Non, ça s'appelle trouver des prétextes, ah, madame. Excusez-moi, c'est mademoiselle, mais. C'est comme ça qu'on fait. Et... Par contre, c'est la grise. Oui. C'est pas oui. Rouge et bleu. Non. Donc toi, tu as pris la rouge et bleu. Ah oui. Voilà. Mais alors, moi, j'aurais pris la rouge et bleu, hein, si ouais, ça n'avait tenu qu'à moi. Non, mais moi mais, aussi. Mais c'était pas assez sobre, apparemment. Donc voilà, on a pris la grise. Ok, donc je commence par me faire bâcher directement. Mais attends, à un moment donné, tu cherches. Les couleurs, c'est plus. Voilà, non, mais c'était... cela dit, c'est une magnifique transition. Ah, voilà. Voilà. La Nintendo Switch, donc vous ne le saviez pas, elle est sortie en deux couleurs. Voilà, merci, au revoir. Vous pouvez repartir. Donc la Switch, la dernière console en date de Nintendo, sauf si vous écoutez ce podcast dans 10 ans. Oh putain, c'est quoi la dernière console en date dans 10 ans, quoi? Tu veux pas le savoir? Ah franchement, si, j'aimerais bien. Tu veux pas savoir. Amis du futur, dites-nous tout. La Switch sortie le 3 mars 2017 à 330€, puis 315, puis 310, puis finalement 299€. Puis ça remonte sur Darty. Il n'y a pas de raison. Sur Darty, c'est pas le cours de la Switch. Mais ça balance, quoi. Chez Darty, ça remonte. Ouais, on n'est pas loin de 400€ sur le site de Darty. À cause de quoi? À cause de la pénurie? De la rupture, ouais, la pénurie. Putain. On revend la nôtre? Je suis pas sûr. Je suis deg. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette façon de vouloir spéculer absolument? Pour bah, c'est un moyen comme un autre de faire du blé. Donc, hein, la Switch sortie à 300€ si vous l'avez prise tout de suite et puis à plus hein, si vous la voulez maintenant apparemment. Non, il y a vraiment une pénurie ou c'est une pénurie organisée comme d'habitude là? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a eu parce qu'à Leclerc a été descendu à 300. Parce qu'en fait, on est pas mal de monde au boulot à l'avoir acheté. Excusez-moi, je suis pas habitué au micro. C'est pas grave, il faut prendre l'habitude. Voilà. On va y arriver. Donc oui, il y a eu pas mal de monde autour de moi qui l'ont acheté à Switch. Et c'est vrai que ceux qui l'ont acheté après, ils ont pas mal galéré. Donc c'était Auchan à faire la queue, ou bien Darty à 400€. Ah oui, d'accord. Bon bah oui, on a bien fait. Tu l'avais précommandé toi? Ouais. Ouais, ok. Ah, bon. Tu l'avais précommandé où? À Auchan. J'ai ma femme qui travaille à Auchan. Ah ok, il y en a qui ont des passes droits. Mais ça quoi. Aide un peu ça quand même, franchement. Non, bien joué. Bref. Donc la Switch, la nouvelle console de Nintendo, qui est, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais pour faire court, une grosse tablette Android avec un SoC, un processeur de tablette Android, hein, le Tegra K1 d'après c'est les informations officielles. Ah bah en termes ça de hardware, ah oui. Ouais. En termes purement matériel, au final, c'est ça, hein, c'est du matériel de tablette, mais c'est pas la tablette voilà c'est pas la petite tablette Samsung que t'as sur le qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai dit, mais rien. Oui. Non, c'est donc ce n'est pas une tablette Android. Cela dit, ça explique pourquoi les rumeurs pendant de nombreux mois ont pu faire croire au fait que Nintendo s'apprêtait à commercialiser une tablette, mais ça y ressemble très fort. Et la particularité de la Switch, on l'a vu dans ce trailer sorti fin 2016 dont on entend la musique en ce moment. La particularité de la Switch, c'est, comme son nom voudrait l'indiquer, la possibilité de passer d'un mode sédentaire à un mode nomade. pour employer des termes qui font bien, à tout moment. C'est-à-dire du mode tablette au mode, comment ils appellent ça d'ailleurs dans le manuel officiel, au mode télévision tout simplement je crois. C'est ça, le mode TV en vrai. Voilà, donc la Switch elle est vendue avec, si vous ne l'avez pas encore vu tourner, elle est vendue avec un dock, on va dire, un support qui se connecte à la télé, qui se connecte à une alimentation électrique et qui permet d'insérer cette tablette et de passer instantanément, alors ça on peut pas lui reprocher parce que c'est vraiment immédiat, hein, de passer instantanément en mode télévision. Alors moi je vais juste faire ma chieuse, mais à la base ils en avaient parlé, enfin à la base c'est un peu l'idée qu'ils avaient donnée avec la Wii U quand même, de pouvoir jouer sans la télé et de laisser la télé sans le côté nomade, parce que la Wii U tu passais d'une pièce à l'autre et t'avais plus rien. Mais c'était pas très loin la distance en plus. Non, mais voilà, il fallait vraiment être à côté. Mais c'est un peu l'idée qu'ils avaient donnée. Enfin, c'était le prémisse quand même avec la Wii U. C'était un peu les prémices de ça qu'on a. Alors, c'est tout le paradoxe de la Wii U. C'est qu'elle était à la fois vendue comme. Comment dire, une machine qui allait fournir un gameplay asymétrique avec ce gamepad qui permettait de dissocier un joueur des quatre autres. Et à la fois vendue comme une machine qui permettait de libérer la télé. Alors après, est-ce que c'est ce paradoxe-là, ce problème d'identité qui a gêné la Wii U dans sa vie, c'est possible. Parce qu'au final, donc Nico, tu as une Wii U aussi. Ouais, j'ai une tu Wii as toujours U. Une Wii U. Voilà. J'ai et aussi une Wii, une Game Boy, une Game Boy Advance SP. Puis Nintendo. J'aime Nintendo. Eh oui, justement, je suis un très vif Big N, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et moi, je sais que la Wii U, je suis peut-être un des seuls, mais moi, j'en étais super content. Ah, mais c'est une bonne machine. Ah, mais c'est faux. On n'est pas là pour taper sur la Wii. Vous êtes bien trouvé. C'est sûr, mais c'est vrai que ce problème de te dire tu peux jouer sur la tablette sans utiliser la télé, tu dis ok, c'est cool. Ben, je m'en suis énormément servi. Non, ou dans les gameplays asymétriques, de dire ne serait-ce que dans les mini-jeux de base, où tiens, en asymétrique, tu dis à un moment donné. J'ai plus le nom, mais le. Est-ce que les gens savent qu'elle fait des gestes en même temps pour montrer? Ouais, ils ont l'habitude. Non, mais c'est pas nécessaire, ça donne le mal de mer après. Ils ont. Où il y avait toute cette série de mini-jeux où tu avais par exemple, tu jouais un fantôme dans l'univers Nintendo de Luigi's Mansion dans Nintendo Land, et tu te dis, à un moment donné, je vais aller me planquer dans la pièce à côté pour pas qu'il voit ce que je fais, et juste c'est tu passes génial, la porte et. Enfin, c'est dommage de pas avoir poussé un peu plus la symétrique, d'où là l'avantage. Ils l'ont poussé là, hein, finalement. Voilà, c'est là ça, pour ils le sont coup. Allés plus loin, quoi. Mais là, est-ce qu'ils ont. Parce que je sais pas si. Il y a eu des jeux quand même, ça a été vachement poussé, moi, comme pour Star coup, Fox. Moi pour le coup, j'ai pas de Wii U, donc je. Ni Wii U, ni Switch. Donc je vais donner mon avis. Non, mais tu as testé. Je suis utilisatrice des deux, j'ai testé les deux, donc c'est sûr. Mais je ne sais pas si sur la Switch, si c'est prévu en tout cas d'avoir cette possibilité de gameplay asymétrique aussi, me servir de cet écran-là, ou si on est vraiment que sur le Switch entre sédentaire et nomade. Alors c'est ça, c'est la commutation. Hein, entre a priori, les voilà. Si on en croit le line-up, les sorties prévues cette année, on y reviendra tout à l'heure. A priori, c'est pas la direction que prend la Switch maintenant. On est vraiment sur une console de salon qui se veut conviviale avec des possibilités de gameplay, qui se veut nomade avec cette possibilité de se transformer en une machine portable. Mais a priori, c'est un truc que Nintendo a abandonné, la volonté de gameplay asymétrique avec la Wii U. Et c'est peut-être. C'est dommage. C'est dommage et à la fois, c'est peut-être pas plus mal parce que sur toute la vie de la Wii U, il n'y a pas eu plus de bonnes idées que ça, finalement. Ouais. Et alors, Star Fox, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est un des derniers jeux de la Wii U. Et franchement, quand on y joue à deux, parce qu'à un, c'est un peu compliqué comme jeu. Franchement, c'est super parce qu'il y en a un qui est sur le cockpit, l'autre qui voit le vaisseau de l'arrière dans l'autre écran. Franchement, c'est vraiment à essayer. Oui, mais dans ce genre-là, il y avait les derniers de Rayman aussi qui étaient excellents. C'est Rayman Origins Legends. Et Rayman Legends qui étaient excellents en gameplay asymétrique. Parle pas de Rayman Origins. Ça m'énerve. Pourquoi ? Parce que Rayman Origins, c'est un jeu qui a été tronqué, qui aurait pu faire la différence sur la Wii U si Ubisoft n'avait pas fait sa petite majorette Monsieur là au dernier Ubisoft, moment. Si tu nous entends, on ne t'aime pas beaucoup. On rappelle que Rayman Legends était censé sortir avec la Wii U, sur le line-up de sortie de la Wii U, et n'est pas sorti parce que Ubisoft, frileux au dernier moment, a voulu. Le porter sur PS4, Xbox One et PC. ou PS3 360 et PC. Tiens, je ne me souviens même plus de la génération. PS3 à l'époque. Je ne sais plus. Bref, a voulu le porter sur les consoles de génération de l'époque et le PC pour le rentabiliser tout simplement. Et c'est extrêmement dommage. Et moi, je ne m'enlèverai pas de la tête que ça a porté un coup à l'avenir de la Wii U quand même. Ça a parlé, c'est le Legends qui est sorti après. Alors. Je sais jamais. C'est ça. Oui, c'est Origins. Le Legends. J'ai un petit doute. Avec Monsieur Poutounours, on en a quand même joué. On y a quand même joué beaucoup. Ouais. Et voilà, ce gameplay asymétrique est génial. Et c'est dommage qu'ils aient pas poursuivi, soit sur un système avec la Switch, soit en incluant, parce qu'ils en sortent régulièrement, les 3DS. Mmh. Pourquoi pas utiliser, comme ils ont eu fait sur la GameCube, avec, à l'époque, les GBA. Mais là, ça revenait trop cher avec les GBA. Non, mais avec les GBA, ça revenait super cher. Mais juste pour, dans l'idée, pourquoi à ce moment-là ne pas l'inclure. Enfin, je veux dire, quand tu vois quand même qu'ils en sortent, ils en sortent encore les New 3DS et les XL, enfin, tu vois ce qu'ils en vendent, c'est quand même un truc qui aurait pu être utilisé et je sais pas. Enfin, c'est. S'ils l'ont fait une fois, tu pourrais t'en servir comme manette sur Smash Bros. Voilà. Ouais, enfin, on se revoit donc le mois prochain pour parler de la Switch. Bisous, à bientôt. Je suis en train d'afficher au jeu qui utilisait tous les écrans là. Les systèmes asymétriques. Ouais, effectivement, recentrons le débat. Je veux dire, c'est pour le coup la Switch. Non, mais c'est juste pour revenir à ça, de dire la Switch, d'accord, bon, c'est le côté nomade est super, mais du coup, ça a perdu ce côté jeu possible asymétrique. Merci, le mot m'était parti. Ça a perdu ce côté asymétrique qui, moi, je trouvais très sympa sur la Wii U et qui aurait peut-être pu être travaillé là-dessus. Le problème, c'est que c'est difficile de continuer dans cette direction-là quand ni les tiers ni Nintendo n'a réussi à en faire quelque chose de bien. Quoi. C'est sûr, oui. C'est surtout ça. Et donc, où on en était ? Je ne sais même plus. Oui, la Switch. Donc, le trailer d'annonce de la Switch qui est sorti donc fin 2016. Est-ce que vous l'avez tous vu autour de cette table ? Oui. Oui. On m'a obligé à le regarder en me disant « T'as vu, ça a l'air bien ?» Je crois que je l'ai vu une c'est fois. C'est pas très gentil de dire longtemps. Ça. Ah, c'est lui. Il s'est vendu. Je crois que je l'ai vu une fois il y a longtemps. Au tout début, enfin, la première fois qu'il était diffusé, quoi. Je l'ai vu avant d'aller travailler, je crois. Vraiment. J'ai pas pu me concentrer après. Sur un Nintendo Direct qui était sorti à peut-être 3h, 4h du matin chez nous. Donc, quand tu voulais mettre le réveil. Les news ont commencé à tomber. Oui, quand je voulais mettre le réveil. Big up à Jérôme qui voulait mettre le réveil aussi. Ouais, et on l'a pas fait. On l'a pas fait. Jérôme, tu nous entends. C'est l'âge. Il va adorer. Et donc ce trailer qui donnait juste un avant-goût, on voyait quelques images de jeu et on voyait surtout le concept de la Switch. Voilà. Alors moi, ça m'a fait un peu l'effet d'une pub pour des tampons parce que on peut y jouer à la plage, on peut y jouer à la campagne, on peut y jouer dans la forêt. Attends, je cherchais. On peut y jouer dans la maison. Le rapport. Ouais, non, mais moi aussi, voilà. Je suis en train de me demander. Attends, c'est quoi le rapport avec les tampons ? C'était tellement champêtre, tellement abusé que bref, bon. Non, moi, c'était plus la fin du trailer qui me choquait où ils allaient tous dehors pour boire un coup et au final ils sortent la Switch. Ouais. Ça m'avait un peu choqué, ça. Ouais. Je me dis quand même, il faut qu'il fasse un peu autre chose, quand même. Bah oui, sors ton smartphone. Va créer du lien social avec ça, quoi. Tu vas pas acheter une Switch, t'as déjà un smartphone. De toute façon, à un moment donné, Nintendo, ils sont vachement basés là-dessus. Hein. Tu regardes les dernières consoles. Sur la convivialité au bar. Non, mais c'est ça, tu vas boire un coup, tu fais l'apéro avec tes collègues, sors une console Nintendo. Enfin, je veux dire. Je pense qu'elle parle de toutes ces fois où elle vient avec sa 3DS à la maison. Non, mais ils sont dans un credo qu'ils vont pas quitter demain et qu'ils ont déjà utilisé avec les précédentes. Cela et... dit, il faut faire attention, elle est pas étanche. Hein. Au monde, ils le savent, attends, ils l'ont appris à leurs dépens. Non. Raconte, ça me fait rire. Déjà. Alors, William Oduro est un de ses collègues du monde qui a raconté que il y avait trois Switch. Il y avait la sienne, celle de son collègue du monde et peut-être une autre, je crois. Et un gros gobelet, c'est relaté dans le podcast ZQSD d'ailleurs, qu'on salue, des confrères. Voilà, parce que c'est un gobelet de ZQSD qui a contenu l'objet du délit. Et donc les trois Switch. Voilà. Parce que c'est nul, un strike, nul ne sait ce qu'il est advenu, mais visiblement, ça s'est mal fini. Donc, la Switch, ce trailer d'annonce, donc on voyait juste un concept, quel effet ça vous a fait surtout ? Est-ce que ça a matché tout de suite, genre, ouais, je la veux, ça a l'air trop bien ? Est-ce que vous avez été dubitatif ? Est-ce que qui commence ? Bon. Moi, j'ai toujours ce petit espoir de me dire, c'est le retour de la Super Nintendo, mais on ne sait pas. Ça, les fanboys Nintendo le font à chaque fois. Tu sais. Tout à le chaque monde, fois. Hein. Mais t'inquiète, ils vont te sortir une Super NES Mini comme avec la NES Mini et je pense que ça va cartonner. Non, j'étais vraiment enchanté quand j'ai vu le Mario Odyssey. Je me rappelle quand on le voit sauter. Quand on a vu le Splatoon en e-sport. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans la bande-annonce ? Il n'y avait pas le 1 de Switch. Skyrim. Ah oui, Skyrim, ouais, Skyrim. Évidemment, on pense aux jeux tiers et tout qui vont arriver, les Fallout et tout ça derrière. On se dit c'est... On avait Skyrim, on avait des gens qui jouaient à Mario Kart dans une voiture, la console vissée sur un support d'appui-tête. Voilà, par contre, c'est... Ouais. On avait, En fait, le truc, c'est que je pars bientôt en voyage et c'est ce que j'ai prévu avec mes enfants, c'est d'accrocher la tablette. Donc la prochaine fois, il nous fait un test, il nous explique comment ça s'est passé. Ouais, je comptais faire ça avec Sniper Clips. Et donc, au-delà des jeux, le concept de la console en lui-même. Moi, j'accroche beaucoup à chaque fois que je vois de l'innovation. Moi, c'est justement ce qui me plaît quand je vois toujours des machines plus puissantes avec de l'accélération, enfin une 3D beaucoup plus belle. C'est pas quelque chose qui m'accroche vraiment, quoi. Moi, je cherche toujours, c'est vrai, ce côté. Quand j'ai vu la Wii U avec le deuxième écran et pour la Switch, le système de commutation, je trouve ça génial. Et la lumière fut, excusez-moi, oui, quelqu'un vient d'allumer la lumière dans la pièce. Problème technique. On m'a demandé la lumière, j'ai allumé la lumière, bon. Donc c'est plutôt quelque chose qui t'a parlé au départ. Mais après c'est vrai qu'il y a peut-être le côté effet pro Nintendo un peu... Je reconnais. C'est bien de le reconnaître. Le côté de la magie... Voilà, je veux dire, je sais pas ce côté-là, je pense. Des fois je me demande même si Sony aurait sorti la même chose, est-ce que je l'aurais acheté. Ça... Je sais pas. On peut se poser la question. Ouais. Peu de chances que Sony sorte la même chose. Non, mais s'il serait parti dedans, je sais pas si je l'aurais acheté. La question se pose quand même. Hein. Ouais. Sorry, je te balance un peu, mais toi, t'étais pas très convaincu par le concept de la Switch. Non, alors moi, j'étais pas du tout convaincu. Autant il y a quelques années, j'étais pas mal fan quand on a entendu parler de la Wii au tout début et j'avais hyper envie de tester. Et je trouvais ça génial comme idée. Enfin voilà. Donc moi, je suis pas pro Nintendo à ce point-là, mais voilà. Non, c'est quand même des trucs qui me parlent. Enfin voilà. Autant la Switch, j'ai vu la bande-annonce et j'ai pas compris le concept. Je me suis demandé comment on pouvait faire bien à vouloir être sur tous les fronts, à vouloir faire du portable, à vouloir faire... Puis en plus, on avait pas tant d'explications que ça à ce moment-là, enfin, c'était pas encore hyper clair. Ouais, franchement, j'étais sacrément dubitative, pas spécialement par rapport au jeu, mais vraiment par rapport au concept lui-même, genre, mais l'autonomie, enfin, et puis quel est l'intérêt, et puis si ça reprend pas, bah, ce que disait Mémac tout à l'heure à propos des jeux au gameplay asymétrique. Quel est l'intérêt? Moi, c'était plutôt ça, en fait. Je voyais vraiment pas où on voulait en venir et pourquoi. Enfin, non, voilà, j'étais vraiment, vraiment dubitative. Ça me tentait pas plus que ça. Voilà. Pardon. Désolée. Mag, est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu avais vu cette annonce? Oui, j'avais vu l'annonce. Le ciel a été forcé. Non, pour le coup, j'ai pas été forcé. Je l'ai vu... plus tard, parce que non, j'ai pas mis mon réveil à 3h du matin non plus. Non, mais moi non plus. Voilà. Je crois même que c'est toi qui me l'as montré, d'ailleurs, il me semble. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ce qui est tout à fait probable. Je crois que j'ai fait chier tout le monde avec ça pendant un bon moment. Après, pour le coup, je serais un petit peu du même avis que Soy, en fait. J'attendais, je pense, plus de voir ce que ça allait donner. Le côté qui, moi, après, s'est confirmé, les manettes se détachent, c'est super, machin et tout, mais c'est quand même tout petit, donc en termes de prise en main et tout, c'est... J'attendais, je pense, plus de voir ce que ça allait donner, et maintenant que je le vois, je vais attendre encore un peu, je crois. Bon, ça me fait un très bel enchaînement, donc entre la différence de rendu, enfin d'impression entre ce qu'on a pu ressentir donc, sur ce premier trailer, ou sur ceux qui ont... sur ceux qui ont suivi, mais après, on a surtout eu un Nintendo Direct qui nous a présenté des jeux à venir... c'est là où on a pu entendre un peu, enfin on a pu voir des vrais trailers pour des choses dont on avait vu seulement quelques images sur le trailer d'annonce de novembre, décembre, je sais plus. Donc ma question est la suivante. Une fois que vous avez eu la console dans les mains, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça vous a fait changer d'avis tout de suite? Est-ce que vous êtes resté pas convaincu par cette machine? On commence par moi. On commence par toi. Les regards posés sur moi. Ouais. Alors, est-ce que j'étais convaincue? Je peux pas répondre honnêtement dans le sens où j'y ai pas joué tant que ça. J'ai pas testé Zelda notamment et je pense que c'est un des trucs qui me laisse le plus dubitatif. Donc voilà, je peux pas répondre entièrement. Cela dit, sur le côté les jeux marrants, One to Switch, voilà, on s'est bien marré, on a fait les cons, on a secoué la manette, là, le Joy-Con, pour faire sauter le bouchon du champagne, on a tous eu l'air bien bête, on a regardé les copains de traire des vaches, ils avaient l'air bien bêtes, on a fait du yoga, non, voilà, objectivement, c'est rigolo. Après, de ce que moi j'en ai testé, te dire que c'est plus rigolo que la Wii ou que la Wii U, Pas tellement, voilà. C'est rigolo, mais je pense que j'y ai pas assez joué pour être très objective sur la question. Et j'y ai pas du tout joué en mode portable, donc voilà, je suis pas objective. Nico, tes impressions quand tu as alors, quand déballé cette machine? J'étais comme un gamin. Ma femme me l'a amené, j'étais super content. Bon, il a fallu bien sûr que je limite les gamins pour pas qu'ils touchent. Il a dit pour pas qu'il touche, j'ai entendu pour pouvoir jouer moi tout seul. Hein. Non, parce qu'en plus j'ai fait exprès de prendre un de Switch, le jeu familial justement, et on a lancé ça en premier exprès pour vraiment, comme ça, ça fait plaisir à madame, ça fait plaisir à tout le monde. Jusque-là on n'en avait pas entendu parler, mais il faut quand même parler. On va faire plaisir à madame, comme ça après elle ne dit plus rien et elle me laisse jouer en paix. Non, ça fait plaisir aussi à la toute petite. Moi j'ai une question. Est-ce que madame a aimé? Est-ce que ça l'a fait délirer? Est-ce que... Oui, mais elle est plus fan de Zelda maintenant. Ok, ah, assez c'est... clair. Ok, très bien. Ah, mais elle est à fond même. C'est mythique, il faut trouver. Je ne peux plus approcher la Switch. Tu lui as mis le contrôle parental? Non, elle joue sur la Wii U, elle. C'est vrai. Ouais. Ah oui, non, mais voilà, elle est fan de Zelda, mais en fait, il garde la Switch et elle joue à la Wii U. Cela dit, c'est un bon deal, la Switch. Non, elle joue chacun de. Donc, quand je l'ai eu, effectivement, que moi aussi, j'ai trouvé ça assez petit au niveau des manettes. Par contre, j'ai quand même trouvé que c'était vachement bien fini, quand même. Je vais pas dire qu'on était sur de la qualité matérielle Apple, mais ça donnait cette impression. Non, je suis pas Apple, pas du tout. Oh, vous inquiétez pas. J'allais partir, j'ai quitté la pièce. Oh là là, elle a tiens failli la vexer là. Non, j'ai de l'Android. Non, c'est bon, il peut rester. Ouais, c'est bon. Non, j'ai trouvé ça vachement bien fini. La tablette, j'ai trouvé épaisse, mais sûrement, c'est une console de salon, quand même, quelque part. J'étais déçu que le socle, ça soit juste, en fait, une station d'accueil, en fait, comme un les bout de plastique. Ouais. J'aurais vraiment pensé que, tu vois, il y a quelque chose qui booste au niveau des performances à l'intérieur. Bon, après, il aurait été plus fragile. Et en même temps, ça aurait pu être une opération pour vendre en même temps une version, si on veut racheter une deuxième Switch pour jouer en multi, c'est juste vraiment console portable pour faire disparaître un peu les DS et que du coup, la station d'accueil, ça soit vraiment la performance pour faire de la console de salon. Mais sinon, moi, je me suis régalé. Ah si, ce qui m'a un peu déçu, enfin, c'est bien, c'est le coup de détacher et raccrocher les dragons à chaque fois. Je trouve ça un petit peu... Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis à propos du dock. Quand elle a été déballée, j'étais pas là. Et quand je suis revenue, j'ai pas compris ce que c'était. Non, mais on rigole, mais c'est vrai. Il devait avoir la Switch à la main ou quoi. Et j'ai juste pas compris ce qu'était ce bout de plastique posé. Parce que pour moi, c'était un truc... J'avais pas la Switch à la main, mais faut avouer que... Alors là où elle est placée sur notre meuble, elle est un peu au milieu du reste. Et en plus, la Switch, si ce n'est les Joy-Con... Mais je crois que j'étais en train de jouer à Zelda, donc du coup les Joy-Con devaient être dessus. Mais quand elle n'a pas les Joy-Con, genre tout à l'heure vous jouiez à Snipper Clips, elle dépasse vraiment pas beaucoup du dock. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait pas console, ce que tu dis, c'est une console de salon, mais c'est vrai que quand tu la vois sur son dock, ça fait genre quand tu mets ta 3DS à charger, tu sais, quand tu as le dock 3DS, ça fait vraiment cet effet-là. Du coup, j'étais vraiment étonnée du truc en lui-même. Mais c'est c'est normal, c'est parce que c'est un doc effectivement. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi j'étais plutôt joyeuse. Plutôt joyeuse. Alors entendez-la totalement hystérique. J'étais plutôt convaincu. Faut dire qu'en plus ça a été un peu l'ascenseur émotionnel ce jour-là parce que j'ai cru que j'allais pas la voir. Ensuite j'ai cru que j'allais pas avoir Zelda. J'ai cru que j'allais pas avoir Zelda, donc je vous raconte pas. Tu l'as précommandé où? Je l'ai précommandé chez Boulanger. Voilà, on reste sur le groupe Accor, on s'en fout. Non, moi, c'est la pub pour Auchan. Ce soir, Darty, Auchan. On est sur Internet, voilà. Non, je l'ai précommandé donc chez Boulanger pour d'obscures raisons de bons d'achat qui n'avaient rien à voir avec la Switch, mais voilà. Sinon, je l'aurais pris. Enfin, je suis pas spécialement vendu à une crèmerie ou à une autre, moi, donc. Je suis un mercenaire, je vais chez le moins cher, et comme ils avaient tous aligné le prix comme ça, mais voilà, il se trouve que là, j'avais un bon d'achat d'un montant suffisamment important pour justifier que j'aille chez eux, et j'ai essayé de faire ça tout par internet, et au final, c'est souvent le cas dans la grande distribution, les affaires de... Enfin, comme c'est pas des enseignes spécialisées, tenir les dates de sortie... Ouais, ils s'en foutent un petit peu, surtout quand tu fais ça par internet. Et ça a été très compliqué, quoi. C'est-à-dire que vu que c'était du tout en ligne, j'avais mon suivi, je savais que la console était arrivée, mais pas le jeu. Enfin, entre-temps, je décide d'aller passer ma colère en achetant une manette pro. Tu décides. Tu as acheté la manette pro, quoi. Oui, j'ai acheté la manette pro. Non, change pas de sujet. Mag a posé une question très intéressante. Tu décides d'y aller finalement, tout seul. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Je décide de passer ma colère en achetant une manette pro. Ouais, on n'avait pas la fin de la phrase en fait, c'est pour ça. Oui. Non, moi je veux juste remercier Boulanger Duponté, voilà, pour avoir évité un drame conjugal du week-end. Je n'ai plus son nom, mais ce monsieur qui m'a dépanné en faisant des swaps entre le stock de son magasin et le stock en ligne et des choses comme ça pour que j'aie la console. Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement frustrant. Tu commandes le truc en ligne pour l'avoir le jour de la sortie livré dans le magasin. Tu vois que le jeu est pas là, tu rentres dans le magasin, des jeux, il y en a une vingtaine. Bon, t'es deg, quoi, en vrai. Et on te dit, surtout quand c'est un Zelda. Tu peux pas l'avoir, tu l'as commandé sur Internet. Ça va pas être possible. Voilà. Non, bref, voilà, c'était un c'est petit pas peu le l'ascenseur stock, c'est ce qu'ils te disent. Et c'est vrai ça. Que quand je suis rentré, en plus, j'avais mon après-midi de libre. Autant vous dire que j'ai mis Zelda tout de suite. Voilà, j'ai essayé la console se mettre à jour et tout. Tranquillou, j'ai fait ça bien, mais ouais, j'étais quand même. J'ai mis plusieurs jours à commencer à jouer un peu en mode de tablette. Parce qu'en fait, je suis un peu parano et tout ce qui est console portable, tout ça, elle se marre parce qu'elle sait ce que je veux dire. Je suis un peu parano et tout ce qui est console portable. Alors, si vous voulez vraiment savoir, il n'osait pas faire 10 mètres. Allez. Quoi. Ouais, 10 mètres pour aller du canapé au lit avec la console parce qu'il avait peur de la casser. Peur de la casser. Voilà. J'étais pareil, hein, le premier jour. Donc tant que je n'ai pas eu ma pochette Zelda. Ma pochette pile poil Zelda parce qu'il y avait que ça. Il y aurait eu que Amiibo, on aurait trouvé Zelda quand même à mon avis. Hein. Ouais, on aurait gratté le truc. Donc oui, j'ai mis plusieurs jours, une bonne semaine, à commencer à jouer en mode portable. C'est vrai que, en plus le coût de la manette pro pour Zelda, elle est tellement adaptée. Enfin, c'est une très belle manette. Je dis pas qu'il faut pas donner du crédit à Nintendo, mais ils ont quand même été chercher ce qui fonctionnait bien, et enfin en gros la manette de Xbox, et ils ont été faire un truc assez proche, clair, quoi. Hein. Xbox, voilà. Nintendo, même la manette pro de la Wii U, c'est avec la Xbox, elles se ressemblent énormément et elles sont super. Hein. Voilà, mais bon, après, ouais, c'est pas un reproche qu'on peut leur faire. Après, moi, une manette, c'est un truc pour lequel je considère qu'il y a presque une ergonomie ultime et que vouloir en sortir, c'est pour la manette standard. Hein. Après, ils ont fait un truc avec les Joy-Con et tout. C'est complètement autre chose, voilà. Le prix, c'est... Ah ouais, là, c'est... Hein, on y reviendra peut-être plus tard à la fin, quand on citera les défauts, voilà, sur le bilan, où on citera un petit peu les défauts de la machine, mais voilà. Là, le prix, par contre, c'est... Et pas que pour ça, quoi. Voilà, mais par contre, globalement, la machine m'a vraiment plu. En plus, ma première expérience avec, ça a été 4 heures de Zelda d'affilée, donc forcément ça a aidé. Et en attendant des téléchargements, je sais plus, peut-être parce qu'il y avait une mise à jour du jeu ou de la machine, un truc comme ça, j'ai commencé à fouiner un petit peu dans les menus, donc ça m'a permis d'appréhender un peu l'ergonomie globale de la machine, et à quel point Nintendo avait été chercher des petits détails qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont tout bêtes, mais par exemple en fouillant dans les menus, je me suis rendu compte que tu peux aller récupérer une mise à jour de jeu depuis une autre Switch. C'est tout con, mais pour réduire la fracture numérique, tu sais, pour quelqu'un qui habite, qui a une Switch, qui habite j'ai pas de Switch. À un endroit où il n'y a pas, à un endroit où il y a une connexion internet de merde, mais t'as un pote, un collègue de boulot, un membre de ta famille, etc., qui a une Switch et qui lui a une connexion internet potable. Avignon. Et ben quand tu le croises, tu récupères tes mises à jour de jeu, qui sont des trucs potentiellement lourds. Non, pas du tout. J'essaye juste de continuer en faisant genre que je suis pas déstabilisé. Donc voilà, potentiellement tous ces trucs lourds, les mises à jour de jeu, etc., tu peux les récupérer depuis une autre Switch si ta connexion internet ne suit pas. Et ça, c'est tout bête. Je pense que c'est pas une option qui leur a pris grand chose en termes de ressources. Mais je me dis que, enfin, si ça peut aider les 10, 15, 20% de gens qui vont être concernés, voilà, quoi. Quelque part, c'est toujours ça de prix. Et c'est typiquement une option à laquelle personne n'avait pensé avant. Enfin, cela dit, avant, les portables, c'était aussi beaucoup Nintendo. Mais voilà, c'est pas une option que tu retrouvais sur la Vita, alors que la Vita, elle souffre de mises à jour, de téléchargement quand même assez lourd, assez conséquent, comme peuvent être les consoles de cette génération-là. Après, je sais pas si on va parler du système d'exploitation, mais c'est vrai que au niveau des menus, quand j'ai vu l'interaction au niveau des amis, c'est vraiment limité. Alors ça c'était la présence. Ça c'était la mauvaise surprise. Ouais. C'était l'utilisation, et les codes amis, l'utilisation des codes amis, ah ouais, dont c'est... on se serait bien passé. On se croyait en 2007. Voilà, hein. Totalement. On pensait que Nintendo avait évolué parce qu'en plus il y a eu vraiment une communication en ce sens-là, à dire ah, regardez, on a fait enfin enfin un truc tout commun, on arrête le Nintendo Club, le machin, le Nintendo Network, etc. Maintenant c'est un seul truc commun, vous créez un compte pour tout, et au final derrière on se retrouve avec les codes amis de merde là, comme sur la 3DS, comme sur la Wii U. La Wii, parce que la Wii U c'était fini les codes amis, c'était vraiment c'était pseudo, c'était comme sur Xbox. Ouais. Je me souviens pas. Ouais. Je crois que j'ai pas d'amis sur Wii U. En plus il y avait le Miiverse. Oh, tu dois en avoir deux. Mais si, oui, je suis là, Wii U c'est les pseudo. Parce qu'au pire, il y a Zoltak, mais il joue à Xenoblade Chronicles. Fin... Ouais, je sais, je l'ai dans ma liste. Il joue à Xenoblade Chronicles et personne dans la salle ne joue à Xenoblade Chronicles, il est très déçu. Mais il joue à Splatoon. Et j'ai pas Splatoon, ouais, mais j'ai pas Splatoon. Mais j'arrête pas dit, de me saouler avec ça. Mais... Sur, à propos des menus, moi je suis pas mal du genre à farfouiller, à galérer un peu, à pas trop savoir. Et je trouve qu'ils sont hyper intuitifs sur la Switch, mais vraiment, enfin. Globalement, une fois que tu as appuyé que le bouton, enfin quel bouton est back et quel bouton est ok, ce qui est parfois un peu compliqué pour moi, mais enfin voilà, tu y es tout à l'heure, on cherche un truc dans le menu. Sincèrement, je trouve qu'ils sont hyper hyper intuitifs par rapport à d'autres, quoi. C'est pas mal foutu parce que le comment dire, toute l'ergonomie des menus s'adapte automatiquement au contrôleur que tu utilises. C'est à dire que si tu utilises les Joy-Con les deux à la fois, comme une manette, enfin un dans chaque main ou sur le support, etc. Ça va s'adapter. Enfin, tu vois en permanence la configuration de la manette que tu as. Tu prends la manette Pro, tu l'allumes, ça passe sur la manette Pro et ça va s'adapter. Quand tu sors de Snipper Clips où chacun avait son Joy-Con en mode horizontal, le menu passe en, enfin te montre que c'est ce contrôleur-là qui est utilisé dans les menus, qu'il est en mode horizontal. Donc si jamais tu as un doute, tu le vois sur l'écran, tu vois le dessin de ton contrôleur en mode horizontal, tu vas le mettre naturellement dans ce mode là parce qu'on te montre qu'il est comme ça, et les menus s'adaptent, la position des boutons que tu vas utiliser s'adapte aussi, donc ouais, ça a été pas trop mal pensé. C'est très simple, c'est beaucoup moins chargé, beaucoup moins sexy que les menus de la Wii U par exemple, mais avec le recul, les menus de la Wii U étaient quand même assez chargés. Avec comment dire, la musique de fond dans les menus de la Wii U qui est pas forcément le truc le plus agréable du monde. J'allais en parler parce que j'ai pas fait attention sur la Switch, et mais le chargement de fou. On a plus ces petites musiques j'aimais bien Nintendo. Moi. Le mec est vraiment Nintendo. Non mais, ça va deux minutes, mais au bout d'un moment, si tu restes sur les menus et que tu pars à discuter, c'est un peu lourd. Comme quand tu laisses les bonus du DVD, enfin tu sais, la page, ouais, le chargement, DVD, ouais, c'est ça, pardon. Non mais voilà, je vous en ai parce que moi, du coup, qui est que tu te réveilles très, au menu, très peu joué à la Switch, que tu te réveilles au milieu de la nuit avec le menu du DVD qui tourne à fond. C'est ça. J'ai pas suffisamment joué pour aller dans les menus, rester dans les menus, donc je voulais vous demander justement s'il y avait encore. Aujourd'hui, il y a vraiment rien et c'est presque choquant. Par exemple, dans l'eShop. Là où on était habitué, enfin d'une manière générale, on est habitué sur les consoles à avoir quand même un thème de menu, un truc un peu discret. Chez Nintendo, c'était moins discret sur la Wii U par exemple. Discret. Mais là, dans l'eShop, c'est vraiment. Enfin, déjà dans l'eShop, c'est le désert en ce moment, il n'y a quand même pas grand chose. Mais en plus, il n'y a pas de bruit. Et en plus, il n'y a pas un bruit. Donc, t'as vraiment c'est l'impression qu'il y avait de mourir une fois déjà. Ouais. S'il vous plaît, il y a quelqu'un. S'il vous plaît, il y a personne. Il y a ton écho, t'entends ton écho. C'est ça. Je suis tout seul. Allô. Voilà, tu peux acheter des jeux SNK. Mais... Des jeux ça, par contre, remake Non, c'est pas foufou, l'eShop. On parle des jeux, donc Transition oui. Ah, Transition hey. Oui, je t'ai vu. Représente ici la famille. Donc, les jeux, on va parler surtout de tout ce qui est sur la Switch ou presque que sur la Switch. et on va commencer donc avec One to Switch, ce fameux... ce fameux party game, en fait, voilà, ce fameux ce fameux Wii Sport slash Wii Sports Resort slash Nintendo Land, voilà. Enfin bref, qui est slash mini jeu qui est à la Switch, Nintendo, ce que les autres étaient à la Wii et à la Wii U, quoi, voilà. Finalement. Sauf qu'il est cher. Donc censé être une vitrine technologique, il est cher, mais cela dit, il faut quand même se rappeler que Nintendo Land était vendu plein pot à 50 balles avec la Wii U, hein. Enfin à part pour le coup. Fourni dans le pack. Est-ce que c'est une excuse ou pas? Wii Sport, il était dans le pack par contre. Wii Sport, Nintendo Land aussi. Nintendo Land pas à la sortie. Pas la sortie. Moi j'ai pris une Wii U à la sortie, j'ai raqué Nintendo Land, après ils l'ont fait en pack, mais... Voilà, moi j'ai eu un pack. C'est bien fait, en pack Zombie U, j'ai pris. Oui, mais est-ce que le fait que Nintendo Land à l'époque était pas dans le pack, est-ce que c'est une excuse à ce qu'ils le refassent encore? Un point pour Mag. Je ne pense pas. C'est pas parce qu'ils l'ont déjà fait qu'ils sont obligés de le refaire, quoi. Ouais, mais c'est ce qui a participé au succès de la Wii. Le Wii Sport est intégré. C'est comme Wii Play, qui, chaque fois que t'achetais une manette, t'avais un jeu. Ah oui, non, mais c'est en sens là que je te dis intégré, c'était bien. Mmh. Enfin, là, ils l'ont pas refait. D'accord, l'excuse, c'est de dire oui, mais Nintendo Land n'était pas intégré plus non plus. Mais à un moment donné, enfin. Les mecs, au début c'était bien, c'était dedans. Maintenant, au final, ils le refont. Enfin, ils le refont pas, plus tard dans la vie de la console. Moi, je ne, enfin, je comprends pas en termes marketing ce qui justifie cette décision-là. Donc, si cela des dit, marques te nous écoutent. Cela dit, on attend vos messages, chez le concurrent, c'est un peu pareil. À la sortie de la console, il n'y a pas de pack avec des jeux. À la sortie de la console, tu ne trouves que des consoles nues. C'est très compliqué. Donc disais-je, à la sortie de la console, chez tout le monde, tu ne trouves que des consoles nues. C'est plus, on l'admet moins facilement chez Nintendo parce qu'il y a toujours une volonté d'amener de la nouveauté technologique, d'amener de l'innovation, qui fait que t'as un peu envie qu'on t'accompagne avec ça et t'aimerais bien que l'accompagnement, on te le fasse pas raquer à 50 balles. Bah, à la rigueur, bah, qu'il le fasse raquer, je peux ça concevoir. Pourrait être moins cher. Non mais voilà, comme tu disais, les autres consoles sont vendues nues, sans jeu et tout, ok. Mais à ce moment-là, un jeu comme ça, un party game comme ça, à la One to Switch, à la même Nintendo Land à l'époque. Est-ce que c'est nécessaire de le faire raquer ce prix-là ? Est-ce que ça vaut le prix d'un Zelda en fait ? Non, mais c'est ça. Est-ce que ça vaut le prix d'un gros jeu, quoi ? Il est à peine moins cher. C'est ouais, voilà. C'est surtout un peu aberrant, que quand quoi. On voit des jeux comme Sniper Clips, on s'amuse quand même beaucoup plus avec Sniper Clips qu'avec un de Switch. Mmh. Parce que ouais, je l'ai, grave. On s'est amusé, mais ça y est, on y touche presque quasiment plus déjà. Bah, ouais, c'est rigolo le jour où tu fais tester la Wii à tes copains, quoi. Le jour où tu fais une soirée et tu dis, ah, venez les gars, je l'ai acheté. Enfin. C'est ce qui s'est passé, on l'a jamais réutilisé. Non, ben honnêtement, ce jeu. Je ne sais pas, c'est pas compliqué. Donc, la Switch est sortie un vendredi et par un hasard du calendrier, il se trouve que le samedi soir, on avait du monde. Ouais, alors, un hasard, big up Benji, si tu nous entends, on sait que t'as voulu venir ce jour-là pour cette raison-là. Hein. Bref, donc on avait du monde le lendemain. Honnêtement, je ne suis pas sûr que j'aurais pris la même décision, enfin que j'aurais acheté One to Switch. En tout cas, là, comme ça, je l'aurais acheté peut-être plus tard d'occasion, etc. Mais si on n'avait pas eu une opportunité l'utiliser, de le tester le lendemain même, puis, je ne suis pas sûr. Une opportunité parce de faire vrai, tester la Switch aussi, parce que quand tu as 6, 7, 8 potes à la maison, tu ne fais pas tester Zelda. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y aurait d'autres jeux, genre Mario Kart ou quoi, ben, on aurait sans doute acheté Mario Kart en disant ouais, ok, totalement. Ça va être fun. Mais c'est vrai que là, c'est le seul jeu finalement pour l'instant avec lequel tu peux faire tester à tous tes copains. Ouais, puis à la rigueur, c'est un petit peu comme le Wii Sport à l'époque de la Wii. Hein. Ça va être de dire à ce moment-là, ok, voilà, la console est capable de ça. Mm. Ok, c'est très bien. On l'a testé avec vous, on a vu, ouais, elle est capable de plein de choses. Moi, le seul des mini-jeux qui vraiment m'a bluffé dans One to Switch. C'est celui avec la boîte et les billes. Pareil, voilà. Les dés. Celui-là non, est bluffant. C'est les billes. Pareil, c'est les billes. J'ai rien compris. Celui-là est bluffant parce que. Pareil. Hein. Effectivement, dans la manette, t'as vraiment cette impression d'avoir une boîte remplie de billes. Et techniquement, faut avouer que oui, c'est une super évolution. Enfin, vu la taille de la manette. La vibration, le bruit. Et puis, t'as vraiment cette sensation quand tu vas bouger le Joy-Con d'avoir les billes qui roulent à l'intérieur. C'est hallucinant. Le reste des mini-jeux. Si, le coffre-fort, le. Ouais, tiens, le coffre-fort qu'il faut faire rouler, mais. La manette qu'il faut tourner. Alors, en rotation. Ça, non, parce qu'il y a des gens qui trichent et qui mettent des coups dans tes coudes alors que t'es sur le point de gagner. Déjà, je tiens à le signaler, voilà. Déjà, non, et puis. Et puis, on est quand même maintenant sur une technologie où même. Je veux dire que ce soit le jeu dont ils font la bulle pas mal, parce qu'ils parlent pas mal de celui-là, où tu vas te tirer dessus en western, où tu vas secouer la bouteille. Rien que celui-là, c'est dégueulasse, il a deux variantes. À un moment celui donné, du téléphone. Ah, je l'aime bien. Ouais, celui non, du téléphone, celui ah, du très, téléphone. Très drôle à voir. Il est très drôle à voir, mais après, en termes d'avancée technique... On n'est pas sur quelque chose de révolu, à part peut-être celui de l'angle que tu disais. Non, mais à quelques rares exceptions, c'est des trucs que la Wii aurait fait. Voilà, c'est des trucs qui passaient à la Wiimote. Hein. Mais c'est exactement ça. Donc, je te dis, hormis éventuellement celui de l'angle où là, on a vraiment une rotation sur des angles. Il y a le rasage un peu. Très précis. Ouais, éventuellement. Ouais, je n'ai pas aimé celui-là, j'ai rien compris. Il s'est coincé les poils de barbe dedans, surtout. Je me suis coincé un poil de barbe dans un Joy-Con. Et celui des billes, les autres. Ben, si tu veux faire tester une console, en principe, ces mini-jeux-là, quand tu les sors, ça va être pour faire tester aussi les capacités techniques de cette console et de quoi elle est capable. Là, pour le coup, à part sur les 37 jeux dedans, je crois, Non, 28. Ou 28, tu vois. C'est vrai, parce la boîte de One to Switch est pas loin derrière, vous, si vous voulez. C'est vrai que quand on regarde le jeu, imiter. Il n'y a pas là, tant que ça, finalement. Je sais pas si tu l'as essayé, celui-là. Non. Imiter, danser. C'est vrai que c'est pas assez du Just Dance. En non, fait. Mais voilà. Mmh. Je dis, à un moment donné, avec l'évolution technique qu'ils ont eu là-dedans, tu te dis, bah, ils ont peut-être les possibilités de faire autre chose. Et te vendre ça à 50 boules, franchement. Mais surtout que. Je sais moi, je coince. Hein. Pas, c'est Seb, tout à l'heure, je crois qu'il a dit. Peut-être Nico, bref, que t'as des jeux qui sont vraiment des variantes les unes des autres, genre le téléphone et le fait de se tirer dessus l'un dans l'autre, ah oui. C'est la même chose. Non, enfin, mais même le juste principe est le même, l'habillage est différent. Mais... Non, mais même juste le tir en lui-même, il ouais. y en a deux. Déjà. Et l'enfant, tu l'as essayé? Non. Parce que moi, j'ai interdit. De... Ah, ils sont que, pas. Non, moi, il a pas. Qu'ils le prennent, qu'ils font tomber à Switch. Alors, par terre. C'est pas compliqué, j'étais en train de faire un bouffer dans la cuisine, j'ai entendu en parler. Il fallait effectivement, donc c'est un jeu dans lequel il faut aussi le bercer un bébé, un truc comme ça. C'est, je crois, il me semble, le seul ouais. qui se joue vraiment uniquement en mode tablette, c'est-à-dire il faut sortir la tablette du dock et ça s'utilise avec la tablette comme si on berçait un bébé. C'était pas la nôtre, ils ont on pas a voulu pas osé. Essayer. Alors, non, mais parce que si vous avez cette Switch. Ah, si, il y a l'Hog Dog, d'un coup j'y pense, avec la caméra. Ah oui! Ok, ouais, j'ai totalement raté ça, ça doit être dégueulasse. Non, celui-là, en fait, ça se joue seul. Ouais. Et en gros, il faut manger un maximum de hot dog en un temps limité. En gros, tu tiens le Joy-Con devant ta bouche et le fait d'ouvrir et de fermer la bouche. C'est comme si tu mangeais et c'est comme ça que tu manges des hot dogs. Bref, c'est un truc alors, qui est totalement dégueulasse. Ok, on va tester ça après. C'est je veux fabuleux. Absolument voir quelqu'un jouer à ça. Voilà. De toi? Non, voir quelqu'un. Non, j'ai pas compris. Non, moi c'est bon, je cherche combien il y a de minutes. J'ai vu Barbu. Il y en a 28. J'ai vu Barbu et Benji. Mais j'ai vu Barbu et Benji jouer à ça, ça m'a suffi. Nico, tu dois avoir les jeux juste derrière toi en fait. Ouais. Il y a Sims par contre. Il y a les Sims. C'est... Alors voilà, à droite, à mon avis, tu as les boîtes de Switch. D'ailleurs, il y a une nouvelle add-on des Sims qui vient de sortir si vous voulez vraiment qu'on en parle. Donc on a la magnifique liste des jeux de Switch. Personne ne veut en parler, d'accord. Donc de quoi? Quel jeu? Alors de toute façon. Ça existe encore? Chut, on n'en parlera plus. Écoute, promis, si tu trouves des gens qui veulent bien parler des Sims... Ok, non, alors je lance un appel très très sérieux. Non, mais il y a Sims 5 maintenant, non? Non, 4. Ah, 4. Je lance un appel très sérieux. Si quelqu'un dans la région, franchement, je suis même prête à me déplacer, les gars, veut parler des Sims, veut venir ici parler des Sims avec nous, avec moi, franchement, mais je suis trop chaude, quoi. Voilà, je suis très sérieuse. Ok, donc revenons à One to Switch. Il y a effectivement 28 jeux dans One to Switch. Qui vont aller donc de la réponse au téléphone. Alors, ok, le coffre-fort. Ok, c'est une question de vibration dans la main. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas non plus quelque chose de mais c'est fou. Vrai que ça, oui, c'est très proche de la Wiimote. Quoi. Voilà, le tir, l'épée, enfin, l'espèce de combat. L'épée, j'étais un peu déçu, moi, de l'épée. Moi, j'ai été super déçu parce que je trouve déjà qu'il répond super mal. Ouais, pour l'épée. Ouais. Et puis bon, par rapport à la Wii U et même à la Wii, enfin, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que comme voilà, ça reste convivial. C'est vrai quand t'as du monde à la maison, ah oui, non, ça, c'est sûr. Tu es sûr. Mais que... regarde, l'épée. Mais tu peux pas jouer seul. L'épée, t'en as deux. Parce que t'as celui qui est en gladiateur et t'as celui qui est sur les arts martiaux, un peu plus. Voilà. Ça a eu une petite blague sur l'épée, visiblement. C'était une blague. Parce que j'avais pas de balancer. Le tir, t'en as deux. Après, tiens, celui où il faut lever le bon drapeau. Bon, ok, enfin, alors ça, je vous le dis tout de suite, on a deux gros dyslexiques de leur droite et leur gauche dans cette pièce, parce que franchement, ils en ont très chier. Il y a énormément de jeux qui sont des réutilisations de la même mécanique. C'est évident. Ouais, mais on reste. Il n'y en aura pas 28. Le magicien, il faut envoyer des sorts, et à un moment donné, c'est un mouvement. Harry Potter. C'est un mouvement du Joy-Con. C'est un mouvement du Joy-Con qui serait passé sur la Wii U, voire même sur la Wii. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Dans cette liste de jeux-là. Alors, est-ce qu'on peut parler du. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler du micro? Oui, du micro que je viens de déclater par terre, presque. Du 25, c'est un truc avec des talons. C'est quoi? Il faut marcher comme. C'est un défilé de mode. Ah oui, j'ai faut pas osé le faire, un moi, mannequin. Celui-là. Ah, c'est dommage, parce que franchement. Ah, c'est bon, c'est ma fille. Tu peux pas avec ton dos, toi. Non, à côté de ça. Après, à côté de ça, tu fais une démonstration, on filmera. De la même manière, t'as celui où il faut traire une vache. Enfin, c'est très drôle à regarder. Mais ça c'est doit être marrant. Les enfants, ils doivent bien aimer ce genre de truc, je pense. Ouais, ça c'est doit. Ça. C'est ça aussi. C'est qu'en fait, là, on voit ça avec ça des yeux d'adulte. Hein. En tant que spectateur, la bouteille c'est de champagne. Oui. Franchement. On veut parler de malaise. Les vidéos, parce que c'est pas possible. Ce jeu a coûté. Enfin, ils le vendent juste à cause de ça. Les vidéos qui introduisent les mini-jeux dans One to Switch. Moi, perso, je compatis avec les acteurs. Ah, si, oui, ah les acteurs. Ouais. C'est pas évident, j'espère que ces gens t'étaient bien payés parce que. Et c'est pas les acteurs qui sont mauvais. Non, quoi, non, hein. C'est le, juste... le scénar... enfin, scénario, alors, c'est un bien grand mot. Non, mais en plus, ça se veut. International. Ouais, voilà, c'est ça, très international. Bah, ça donc, se veut, y a ça, pas ça mot, voit etc. le but, c'est que ce soit compris par tout le monde, qu'il n'y ait pas besoin de sous-titrer. Voilà. Et, ah, mais voilà. C'est voilà. Si le ping-pong et le baseball, ça m'a vraiment malade. J'étais un peu déçu de ça. Mais non, mais voilà, on en revient à des trucs où. Voilà. Où... Et en plus, effectivement, les vidéos qui ont été faites, les acteurs, comme tu disais, j'espère qu'ils ont été bien payés parce qu'à un moment donné. Moi, je trouve ça vraiment. Leur qualité d'acteur sont. Ah ouais, pas... le coffre, c'est rigolo. Ah ouais, le coffre est vachement sympa. Le coffre trésor. Ah, le coffre trésor. Celui qu'il faut, ouais, démêler. Ouais, celui-là est pas mal. Mais c'est les billes, le numéro. Mais on reste sur une mécanique qui passait, oui, à la Wiimote. Hein. Non, non, enfin, oui, je pense. Mais de toute façon, non, ce que disait Max, c'est vrai, passé sur la Wii U. Moi, pour moi, on en a testé beaucoup. À part éventuellement Studio Dog et encore avec le micro, je pense que sur une Wii U ça passait. À part les billes et le hot dog. Éventuellement le hot dog, mais sinon, enfin, ça fait deux jeux sur 28. C'est quand même 50 euros les deux jeux à 50 euros, enfin, qui est censé être un jeu que tu partages avec la famille, avec les amis. Pour montrer aussi les capacités de la console. Mais encore une fois, on voit ça avec des yeux de plus ou moins adultes. Ah, parce que la vache, notamment, ou ce genre de truc, je pense qu'il y a des trucs qui... Le tir, là, le truc du cow-boy, ça fait sûrement plus triper les enfants que nous. Ah, après, je pense pas que ça les occupe tout l'après-midi non plus. C'est sûr. Non. Voilà, on se semble, ouais, nous, on en a pas, mais... Encore une fois, ce que je disais, c'est qu'effectivement, même nous, en tant que spectateurs, en vrai, quand on voit nos collègues jouer à ça, on est les premiers à se fendre la gueule, hein. Mais en termes d'avancée technique, je veux dire, c'est des mini-jeux qui, sur la Wii U, c'est très très bien passé, avec des Wiimotes, enfin... Je crois que c'est... C'est dommage. Je crois que c'est le test de GameCult, je sais plus par qui il a été fait, mais qui... Enfin, en gros, le testeur chez GameCult estimait que c'était un très bon jeu quand t'es bourré. Ouais, je pense qu'il a raison. Que ça prenait tout son sens quand t'es à l'envers. Ok, rendez-vous samedi soir. Et moi, je veux bien croire. Non, mais je pense qu'il a carrément raison. Parce qu'effectivement, je pense que le truc où il faut traire une vache quand t'es fait... Alors ça, par contre, le truc du bébé quand t'es bourré... Ah ouais, non. C'est dangereux, hein, il faut souffler, oui, dans le truc avant. Bref. Donc voilà, One to Switch, tout ça pour dire que globalement, c'est pas une réussite. On est a priori pas les seuls à le penser, hein, que c'est... À la fois ça veut surjouer 28 jeux, mais en fait il y a que quelques mécaniques. À niveau soirée, ça n'a pas le niveau d'un Mario Party. Oui, non, ah, mais évidemment, c'est ouais. En tout mais cas, c'est pas du tout le party game attendu. Même à Nintendo Land, hein. Même à Nintendo Land, je trouve qu'on passait beaucoup plus de temps et de meilleures soirées sur Nintendo Land que sur un One to Switch. Hein. Ouais, parce que sur un Nintendo Land, effectivement, il y a aussi un tri à faire dans les expériences parce que tout ne se vaut pas. Mais clairement, oui. Clairement, sur un Nintendo Land, tu prends ne serait-ce que le duo Mario Chase Run et Luigi's Mansion. Là, c'est les deux évidemment, meilleurs. C'est les deux meilleurs. Rien que ces deux-là, tu peux quand même y passer une heure. Et en plus, tu peux tourner, même si t'es 7, 8, etc. Voilà, tu peux tourner au niveau des niveaux. Si t'es plein, c'est de la symétrie, tu peux tourner. Il y en a un qui refile la manette, etc. Et le jeu est totalement prévu pour ça. Pour échanger un joueur, un autre, etc. C'est l'avantage, c'est que tu vas le refaire plein de fois, mais vu que c'est pas toujours le même qui va avoir la tablette, forcément, l'expérience n'est pas exactement la même et tu vas y passer des heures et des heures. One to Switch, on l'a essayé, on était plusieurs, on a rigolé, une demi-heure, allez, on a fait tous les mini-jeux, c'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose. C'est dommage. On a sorti la vodka et le reste n'est pas racontable, désolé. Pardon. Je reconnais que... Que j'aurais été tout seul, le jeu j'aurais pas acheté. Non, mais clairement, pareil. J'ai vraiment pris t'en faire tout seul, le reste de la famille. Ouais. De toute façon, tu es obligé d'être deux, puisque dès le lancement du jeu, t'as une partie tuto plus ou moins rapide que moi. Le mode équipe aussi, plus ou moins longue. Ouais, non, mais dès le départ, t'es obligé d'être deux. Moi, j'ai voulu le tester tout seul pour voir un peu les expériences et tout. J'ai été obligé de faire le tuto au début à deux, assis comme un con sur mon canapé, à secouer les Wiimote en tournant la main pour faire genre. Les Joy-Con. Ah oui, pardon, les Joy-Con. Ah, mais bon vocabulaire, attends. Mais la terminologie, c'est important. Ils nous font chier d'ailleurs avec la terminologie. Sur la Wii U, les journalistes ont dit mablette pendant des semaines, des mois avant le lancement. Et après, on a appris que c'était le terme officiel, c'était le Wii U Gamepad. C'est beaucoup trop long. Bref. Donc, One to Switch, passons. Malheureusement, dispensable. Bah, cela dit, essayez-le une fois si vous trouvez quelqu'un qui l'a. Ouais, j'allais dire, empruntez-le à quelqu'un. Il n'a pas encore revendu d'occasion, voilà, empruntez-le. Et donc, on va passer. Au gros morceau de ce lancement, Zelda. Alors on va aller faire la sieste avec Mag, hein. On vous laisse, on revient. Au revoir, messieurs. Bon, bah après, je pense. Enfin. Non, mais allez-y, ça va être un Morito. Non, mais on va faire un One to Switch. Non, mais on en aurait des choses à dire, je pense, mais bon. Enfin, cela dit, vous les avez très certainement déjà entendus partout. Zelda Breath of the Wild, donc là, un vrai renouveau pour cette série qui s'était arrêtée pour moi sur 64 quoi. Après j'ai rien eu, non mais vraiment j'ai rien eu de convaincant. Même The Wind Waker était pas un jeu qui m'avait marqué. Même Twilight Princess c'était pas spécialement. Nico a pas l'air tout à fait d'accord avec toi. J'allais dire t'as choqué Nico quand même là. Non mais on est, enfin tu peux pas être d'accord, on a tous son Zelda favori. Moi, sur NES. Si je devais en retenir qu'un, ce serait A Link to the Past sur Super NES. Le 2 j'espère. Je l'aimais bien. Alors surtout ne me lapidez pas, mais la première fois que j'ai joué un jeu NES, un Zelda, ça devait être il y a 5 ans à peu près. Waouh. Je regarde Monsieur Poutounours parce que c'est lui qui m'y a fait jouer. Je sais pas c'était quoi. Je sais plus, c'était un des Zelda, je sais même plus lequel. Enfin, je suis désolée. Des anciens. Skyward. Ça devait être un des trois premiers. Moi j'ai un souvenir d'avoir essayé de te faire jouer à Link to the Past et que. Non, Link to the Past, j'ai essayé, c'était mort. T'as gueulé parce que tu trouves ça trop dur. C'était mort, j'en ai essayé un autre, je sais plus lequel. Donc je m'excuse d'avance auprès de vous. Je n'ai jamais joué aux Zelda, mais je respecte beaucoup les joueurs de Zelda. Parce qu'on n'a pas le choix. Manquerait plus que ça. Voilà. Non, sinon je me fais foutre dehors, tout ça, c'est chiant. Et donc Nico, pour toi le dernier Zelda, le dernier grand Zelda, c'était Alors, déjà je suis un peu l'exception, je suis peut-être un des seuls qui a jamais joué au Ocarina of Time. Ah, oh putain, la musique. Et c'est ainsi qu'il sortit de la pièce et donc, ne j'ai joué à plus tous jamais. Les autres Zelda. Même la tablette est surprise, elle s'est arrêtée juste à ce moment-là net. T'as jamais joué au Ocarina of Time? Non, okay. c'est le seul que j'ai pas joué avec Majora's Mask. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison ou... Alors oui, parce qu'en fait j'avais acheté à 64 et j'avais été extrêmement déçu de Nintendo. Pour moi ça a été le... De Mario... Attends, t'as été déçu de Mario Kart 64? Non, Mario 64 non, mais Mario Kart oui. Il y a plus de musique. Remettez de la musique, s'il vous plaît, faut meubler. Ah ouais, non. C'est quand j'ai retrouvé la GameCube que là, ça y est, pour moi, ça a été vraiment le retour de Nintendo à travers le Mario Sunshine, le Smash Bros, le Mario Kart où on se joue à deux là sur carte. Ouais, ça c'était bon. Puis après, j'ai joué à Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword. Mais par contre, ce qui m'a toujours gonflé dans les derniers Zelda et que ça y est plus. C'est que contrairement à Link to the Past ni Zelda 1, c'est que tu avais toujours cette étape de tuto du village, ah ouais. Qui fait que tu parles à tout le monde, t'as autre chose à faire. Quoi, dans Skyward Sword, c'est insupportable. C'est le pire. Lâché à cause de ça, parce qu'une heure après, on me prenait encore par la main, c'était pas c'est possible. Ça. J'ai lâché, je me suis remis 3 mois plus tard, et j'ai joué, ça y est, enfin au jeu. Ah, je comprends. Je pense qu'à un moment donné, si t'as fait tous les Zelda, si tu te retapes le tuto à chaque fois, je crois qu'au bout d'un moment, tu devrais avoir pouvoir le skipper d'une si façon. Si encore tu as jamais joué, bon, éventuellement. Non, parce que c'est un jeu d'aventure au sens large, donc cette partie-là, elle est intégrée. Tu vois, c'est pas un tuto à la jeu de plateforme, etc., où c'est un truc que tu peux skipper. Ah oui, elle est intégrée dans l'aventure. Ouais. Enfin, ça doit être super chiant pour Parce que tu démarres à chaque fois, c'est un paysan, Link, à chaque fois, dans les 3 derniers. Que ce soit Wind Waker et tout ça, oui, ouais, c'est un paillou. Il y a des règles, c'est extrêmement codifié. Zelda, ça commence par une scène de réveil. Alors que Link to the Past, je veux dire, tu commences quasiment direct. Ouais. Tu vas juste chercher l'épée et tu joues. Zelda 1, c'est pareil. Et Breath of the Wild, c'est pareil. Mais et cela ça, dit, vraiment, comment il s'appelle celui sur 3DS, là, avec les trois personnages, celui de Triforce Heroes. Ah, Triforce Heroes. Ah, mon fils, il a ça. Même celui-là, il commence par un truc qui dure un quart d'heure, et franchement, pour ce que ça t'apporte après, ça n'a aucun intérêt. Toute ça la partie avant d'arriver au village et tout, c'est chiant. Putain, tu t'en fous, tu veux juste rentrer dans la salle avec tes deux potes et. D'autant faire qu'en ton plus, truc, c'est ça, en général. Parce que ça n'a aucun intérêt pour la suite, quoi, fin. Et en plus, c'est chiant parce que enfin, moi, je suis vraiment pas fan des jeux multi comme ça où on t'empêche de jouer en multi tout de suite. Ah ouais, c'est hyper frustrant. Où t'es obligé de te taper une phase. Enfin, il y a ça dans. Ça n'a rien à voir, mais genre, un avec lequel je vous saoule depuis un moment, la Dying Light sur PC, jeu de survie avec les zombies et tout. Tu n'écoutes pas quand il parle. Non, mais t'es obligé de te taper une heure et demie. Quelque chose, mais après. T'es obligé de te taper une heure et demie du jeu avant d'en arriver au stade où, entre guillemets, la vraie partie. Sachant qu'après, c'est un truc open world, etc. Et tu es obligé de te taper une partie solo qui t'amène une part de scénar, etc. Il y a une pseudo-justification, mais c'est quand même dommage, tu vois. Tu peux pas commencer. Tu peux pas te dire j'achète le jeu. Enfin, on est quatre, on achète le jeu, blah, on l'installe tout de suite. Ah oui, c'est bon, je vois. C'est abusé. Excusez-moi du coup. Et sur Triforce Heroes, c'est vraiment dommage. Bah surtout que, enfin pour le coup, quel est l'intérêt quoi globalement Le truc, c'est même pas comme si ça t'expliquait la mécanique de tu montes sur le copain machin. Non, c'est juste ça te remet un contexte dont t'as rien à faire, quoi. D'autant que même si c'était pour t'expliquer des mécaniques, il y a des moyens de le faire une fois que la partie a démarré aussi. Oui, d'ailleurs, on a un très bon jeu qui... Bon, bref, on en parle après. Oui, sur Switch, qui explique les mécaniques. Bon, bref. Revenons à Zelda. Excusez-moi pour cette... Qu'est-ce qu'on disait de Zelda ? Ah oui, voilà, voilà. Avant qu'elle arrive. Pour le démarrage des épisodes. Donc ouais, donc moi, ce qui m'a vraiment, vraiment plu, c'est de faire ce que tu veux. Tu démarres le jeu, tu commences et tu y vas. Et t'es pas obligé de... Même t'as, au début, t'as le... C'est l'ancien personnage, là, je vais un peu spoiler, le roi d'Hyrule. Mais je veux dire, tu n'es pas obligé de passer par lui. Si tu as envie de jouer pendant des heures à te balader, tu fais ce que tu veux. Et ça, franchement, c'est énorme. Ouais. Techniquement, ton objectif principal qui est aller battre Ganon ou de... Je sais plus comment ils disent battre, vaincre, mais il y a un choix de verbe en plus qui est vraiment très particulier. Mais ton objectif principal, tu l'as dès le départ. Et si tu veux, tu peux y aller tout de suite. Il y en a qui le font d'ailleurs. Je peux te dire un peu la vidéo de tentative de speedrun. Là, mais bon, c'est un peu. Enfin, moi, je sais que c'est totalement improbable. Mais c'est vrai que ça t'offre une liberté qui était quand même un truc qui est presque à l'opposé des codes des Zelda, qui ont tendance, même s'ils sont plus ou moins un monde ouvert et s'ils te laissent plus ou moins de liberté, dans un Zelda, il y a quand même toujours ce code très Nintendo de t'iras pas dans telle zone tant que t'auras pas ça, etc. Bah, c'est un peu à la Castlevania, quoi. Ouais, voilà. Metroid. Ouais, c'est ça, totalement la philosophie Metroidvania. Que là, dans ce Zelda, tu n'as que sur le plateau du départ dont tu ne peux pas sortir tant que t'as pas avancé un petit peu. Ils se sont inspirés de Skyrim, de tout ça. Ouais. Et ça fait du bien, vraiment. Ça fait vraiment du bien. Qu'ils soient pas, qu'ils sortent un peu de leur univers. Ça fait vraiment toujours toujours le même cadre. Mmh. Et moi, pour moi, c'est... Et je reconnais que ce Zelda, waouh, c'est vraiment la claque. Et je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à une suite de Skywards, en fait. C'est tout, en fait. Tellement, effectivement. Ouais. Bah, c'est-à-dire, ils avaient vraiment... Enfin, ils avaient très peu communiqué dessus. Et à la fois c'était très très formel, la communication. Moi, je me souviens de la vidéo avec Eiji Aonuma et Miyamoto où ils jouaient là un peu, mais c'était hyper cadré, c'était vraiment formel, c'était vraiment institutionnel, quoi. Donc tu sais pas, enfin tu peux pas tenir compte de ces choses là parce que tu sais que ce que tu vois, c'est pas forcément ça reflète pas forcément les sensations que tu vas avoir une fois la manette en main, quoi. Et là, après, ses prédécesseurs, et pas que dans la série des Zelda, mais ses prédécesseurs dans le genre action-aventure, m'ont quelque part habitué à plus de facilité. Donc je lui reproche par moments d'être exigeant, d'être sévère, jamais injuste. Parce que tu meurs beaucoup, mais tu... Là, dans le nouveau Zelda ? Ouais. Oui, tu meurs beaucoup. Ouais, mais c'est bien un jeu difficile. Voilà. C'est pas toujours... Parce que Wind Waker, tu meurs rarement, je veux dire. Il est difficile, il est exigeant, mais il est pas injuste pour autant, quoi. Et puis en plus, son aspect ouvert fait que tu bloques sur un truc, c'est pas grave, tu vas ailleurs, tu reviendras plus tard, quoi. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, c'est le genre de jeu à la Skyrim, parce que c'est un nom qui revient tout le temps, mais où tu te perds. Tu mets 4 heures à remplir un objectif parce que juste en y allant, ton œil est attiré par si et ça et tchik et tchak. On te fournit aucune clé. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai vu une montagne au début, je dis je vais essayer d'y aller. Ouais. Et on peut y aller, en fait. Ouais. Et on fait ce qu'on veut. Je vois une mer au loin. Par contre, ça m'a vraiment fait penser un peu à toutes ces plaines et tout ça, Xenoblade. Le dernier qui est sorti, Chronicles sur Wii U, mais sa vie comparé à Xenoblade, parce que Xenoblade, c'est très froid. Je sais que c'est un très bon jeu, je vais me faire critiquer, mais j'ai trouvé ça froid et j'étais un peu déçu, en fait. Franchement, au moins Zelda, c'est quelque chose de chaleureux. Ouais. Et je veux dire, tu vois tous ces océans bien loin, et t'as toujours des surprises. Tu vas faire quelque chose, mais il y a toujours autre chose à faire. Et tu t'arrêtes jamais, en fait. Ouais, c'est le plus dur, en fait, c'est de limiter ton temps de jeu. Mais c'est ça, parce qu'on a envie, d'y aller en permanence, etc. Et un système de sauvegarde automatique et manuel qui est quand même à la fois pas trop mal foutu, et à la fois il faut quand même sauvegarder, parce que parfois la sauvegarde automatique te ramène très loin, surtout quand tu commences à explorer d'une manière qui est pas Moi j'ai tendance à vouloir explorer beaucoup dès le départ alors que je suis pas encore très résistant et du coup à essayer de beaucoup contourner les ennemis plutôt que de les affronter. Parce que je sais que je peux pas trop, ouais. Et ça par moments ça feinte un peu le système de sauvegarde. Tu te retrouves des fois une demi-heure en arrière là. Bah, ça va être la difficulté je pense, enfin, juste de ce que je vous en entends parler, la difficulté des jeux à monde ouvert comme ça sur un Zelda ou des jeux qui ont l'air plutôt, je dirais, en couloir. En gros, ouais. Tu fais ça, tu dois faire ça, tu vas là et t'avances et c'est tout. Et tu vas pas ailleurs et tu vas pas faire autre chose. Tous les derniers Zelda, c'était ça. Quant à ces habitudes-là, je pense qu'effectivement, arriver sur un même univers de jeu, mais sur une méthode, on va dire, complètement différente parce que t'es complètement ouvert, à un moment donné, ouais, effectivement, tu finis par avoir des problèmes et par être à un endroit où tu dois pas être. C'est un choix délibéré. Dans ce Zelda-là, un Assassin's Creed, c'est un jeu à monde ouvert aussi. Ah oui. Et pourtant, t'es pris par la main en permanence, parce que dès que tu débloques une zone, les points d'intérêt, tu les vois tous. Là, dans ce Zelda-là, tu dois les marquer sur ta carte. C'est bien. Tu dois marquer toi-même c'est l'ensemble vrai. Des points d'intérêt. Les seules choses qui sont marquées automatiquement, c'est tout ce qui sert de point de téléportation, donc les tours qui te permettent de débloquer la topo. Voilà, parce que le pont des immense, si t'as pas un système de téléportation, c'est mort. Surtout qu'après, il y a les chevaux sauvages pour se déplacer, mais là, c'est pareil. Ils ont pas fait ça comme les autres, comme d'habitude. C'est pas tu chopes un cheval une fois, et puis moi, j'y ai trop cru, hein, sincèrement, à partir du moment où j'ai commencé à avoir un cheval, où j'ai calculé le fait de « Ah, l'emmener dans les relais, tu peux le récupérer après. » Moi, j'ai trop cru qu'après, je le sifflais de n'importe où et c'est bon. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut travailler aussi sur le cheval. Il faut grinder, il faut tout. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient changé ces habitudes-là. C'est génial. Il faut qu'ils continuent, par contre. C'est merveilleux. Et en plus, ça... Enfin, on en parlera après, hein. Les sorties sont pas, vont être quand même très ponctuelles, surtout les grosses sorties. Ils ont eu l'intelligence de sortir en premier un truc énorme. Mais énorme au sens, je sais que si on va voir sur internet, il y a plein de mecs qui l'ont déjà fini, qui l'ont déjà retourné. Ok, il y a plein de gens qui ont beaucoup de temps libre. Pour le coup, avec Nico par exemple, c'est pas notre cas. On va pas avoir. Ouais, ça, c'est la frustration qui parle. On va pas avoir 4, 5, 6 heures à consacrer par un jour à Zelda. Au-delà de la frustration, est-ce que t'achètes un jeu comme ça, enfin quand t'aimes Zelda, est-ce que t'achètes un jeu comme ça dans le but de le retourner et de le finir le plus rapidement possible ou ça, d'y je pense passer que c'est du une question temps, de démarche perso. Hein. Ou d'y, moi, ou d'y passer du temps, ouais. Prendre du plaisir, et même si tu joues que 3 heures parce que c'est le temps que t'as, tu vas pas essayer de faire un maximum de choses en 3 heures pour le finir le plus vite possible. Mais juste de te faire plaisir pendant 3 heures. Non, mais effectivement, c'est deux façons de voir les choses. C'est totalement une question de démarche personnelle. Enfin, quand tu vois les commentaires sur les places de marché en ligne sur PC où les systèmes de commentaires sont très présents, tu vois des mecs avec 200 heures sur The Witcher 3 qui disent n'achetez pas ce jeu, c'est vraiment de la merde. Gars, tu y as passé 200 heures dessus. Je prends The Witcher 3 en exemple parce que c'est le seul jeu ces 10 dernières années où j'ai fait un compteur. Enfin, j'ai 110 heures sur The Witcher 3. Je sais pas comment j'ai fait. Mais c'est pareil avec les extensions. C'est un truc qui m'a. Enfin, ça a dû prendre un an, tu vois. Mais tu les vois pas passer. Et je pense qu'avec Zelda, ça va être la même chose. Sincèrement, c'est un truc. Ça prendra le temps que ça. Je m'en fous. Ça prendra le temps que ça prendra. J'ai été un petit peu frustré au début quand j'ai vu au bout de une semaine, 10 jours. Des gens qui commençaient à l'avoir retourné, qui étaient vraiment avancés dans le truc et tout. Et après, il y a ce truc de dire. Mais ça permet justement à chacun d'avoir une façon de jouer différente. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que pour moi, j'aimerais finir le jeu, même septembre, octobre. Je sais que je vise un peu loin, mais c'est parce que je prends mon temps quand je commence à jouer. Ouais. C'est du 21h. Jusqu'à ouais, non, mais forcément. Heure. Enfin, t'as ta vie pro, t'as ta vie perso, t'as des enfants, t'as ta femme. Mais à un moment donné, je pense, enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et chacun voit midi à sa porte et les mecs qui pourront pour seul but et qui ont le temps de le retourner super rapidement, machin et tout, d'arriver à la fin, en disant voilà, moi, c'est moi qui l'ai fini le plus rapidement, machin et tout, c'est super. Mais je me dis qu'à un moment donné, le jeu, ça reste un loisir, ça reste quelque chose où tu dois prendre le faire avec plaisir. Si c'est pour, entre guillemets, te mettre une contrainte de dire bah, il faut que je le finisse vite parce que machin et tout, non, enfin, je peux y jouer que 2 heures parce que je bosse, j'ai ma femme, j'ai mes gamins, j'ai la famille, bref, tout ce que tu peux avoir d'occupation dans la vie de tous les jours. effectivement, tu peux avoir en tant que joueur une frustration de dire bon putain, je peux y jouer, il est 21h30, je peux y jouer que 2h parce que quand même demain matin il faut que je me lève. Bon, c'est frustrant, c'est mais à côté facile. De ça, voilà, après pendant 2 heures, ton but ça va pas être d'aller le plus loin possible, mais de découvrir l'univers et de prendre du plaisir à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça qui est important là, dans un jeu. Là, en fait, je fais exprès de découvrir les régions très très doucement en fait. Parce que franchement, c'est tellement énorme. Et en plus, par contre, ce jeu, bah, moi, ça me fait beaucoup penser au MMO. Mais sans les défauts des MMO. Tu sais, parce que quand un MMO, tu l'éteins, bah, le jeu, il continue, en fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que tu es pris, tu es tenté de rejouer, de jouer. Alors que Zelda, quand tu l'arrêtes, bah, le jeu, il s'arrête. Et ça, c'est vrai que ça donne cette liberté. Tu n'as pas ce côté social imposant. Moi, je sais que c'est que... Faut pas me mettre Zelda dans les mains, alors. Pourquoi ? Parce que moi, quand je joue... Faut pas l'inviter, alors. Non, mais quand je joue à des jeux d'exploration, et Monsieur Poudounours me connaît suffisamment pour le savoir, j'explore tout. Alors, c'est-à-dire que j'avance pas forcément... On va lui acheter Minecraft, on va être tellement tranquille, les gars. Non, mais de Minecraft, j'ai essayé, je kiffe pas. Mais... Minecraft, c'est... C'est compliqué parce que c'est quand même un jeu de survie au départ et qu'il n'y a pas ce côté objectif. Ce que Mag adore dans un jeu et dans les open world, c'est viser le 100%. Ouais. C'est-à-dire faire tout le temps, aller chercher tous les trucs et tout. C'est une grande fan d'Assassin's Creed. Ah oui. Et dans les Assassin's Creed, elle retourne tout. C'est vraiment des jeux à collectionner qui sont hyper remplis. Ah ouais. Et on a joué longtemps à des MMO et c'était ça. Il y a que le dernier que j'ai pas fini. Il faut que je m'y remette à l'occasion. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Parce que j'ai vu le film et que j'ai été hyper déçue. Ça, c'est une autre histoire. On en reparlera une autre fois. Mais il y a des jeux comme ça où j'ai commencé Skyrim et j'y ai passé des heures et des heures et des heures et des heures. Mon personnage n'est pas si avancé que ça. En termes de niveau, en termes d'expérience, en termes de quête, etc. Mais parce que mon plaisir aussi, c'est j'arrive dans une zone, attends, c'est quoi ? Avant de faire ma quête, avant de faire ce que j'ai à faire, je vais découvrir les lieux, je vais parler à tout le monde, je vais voir tous les recoins. Comme dans la vraie vie. Je vais tout visiter. Ouais, c'est ça. je vais tout visiter, je vais voir tout ce qu'il y a à voir. S'il y a des trucs à collecter, je vais ramasser et après, je vais avancer dans ma quête. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis qu'un jeu comme Zelda, vu comment vous le décrivez là, mais pas que j'y joue. Sinon, vous ne me voyez plus, les copains. Ouais, c'est ça, additif, c'est clair. Bon, cela dit, Zelda, voilà, très très grosse réussite. Et je pense qu'il se devait de sortir une machine avec un titre vraiment grandiose comme ça. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'ils vont un peu le faire évoluer à travers des DLC gratuits. Alors, pour l'instant, ils ont prévu de le faire évoluer à travers des DLC payants. C'est une insulte, non, c'est ça, c'est... Oui. Gratuit, je suis pas sûr. A priori, il y a quand même une politique de DLC payant. Non, parce que quand tu vois les DLC qu'il y a eu pour Smash Bros, c'est tombé un peu dans l'extrême à la fin. Oui, totalement. Mais Smash Bros est tombé un peu dans l'extrême à la fin. Enfin, c'est quand même, c'est quand même un peu particulier, quoi. C'est magnifique. J'ai des musiques de Zelda tout à l'heure et c'est vous génial. Vous discutez, mais j'écoute les musiques en même temps parce que n'ayant pas joué au jeu, la BO et c'est fabuleuse. C'est fabuleuse. Finalement, on va se faire une petite heure de relaxation sur la musique de Zelda. Non, mais on c'est ça. De parler. Non, mais c'est ça. Mais je me dis qu'à un moment donné, tu te mets ça pour te détendre ou quoi, machin. Enfin, c'est des musiques de. Ça repose. La BO est géniale. Alors, il faut enlever. Également chez Nature et Découverte en CD à 10€ sur le présentoir à côté des flûtes péruviennes. C'est comme toutes les BO de jeu. Il faut enlever tous les thèmes de bataille. C'est la musique des alors il y a marqué étable, je pense que c'est les relais, il me semble. C'est la musique c'est des relais. Attends. Ça c'est pas le village des limites. Ou le village des limites, ouais. Ouais. Peut-être effectivement. Ah oui, d'ailleurs tu peux acheter une maison. Hein. Tu peux faire un peu comme Sims où tu meubles. Non, c'est vrai. C'est bon. Ça y est, elle va jouer. Attention. Tu l'as fait? D'acheter une maison? Oui. Non. Moi, là, pour l'instant, je fais beaucoup d'explorations, je prends beaucoup de pierres précieuses et j'essaye de choper du pognon parce que je crois que, pour l'instant, c'est la seule méthode efficace que j'ai trouvée pour avoir de l'argent assez rapidement. C'est les repas et je les revends, en fait. Oui, tu vas voir Tom Nook et il te rachète tout en clochette. Voilà, bisous. Benji, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, lui, il galère vraiment à trouver du pognon parce qu'il a tellement peur. Il a tellement tout le monde peur. Sait que tu galères, Benji, mais t'inquiète, on t'aime quand même, Choupi. C'est que. Tout le monde sait qu'on t'aime. Je lui ai parlé des pierres Et il a super peur de les revendre. Nico se moque de toi. Pardon. Vous en foutez quand je parle. Pardon, mais si, il a super peur de les revendre. Moi, je vends de ma mémoire tampon. Calmez-vous. Moi, je t'écoute. Dans mon micro, donc, disais-je, il a super peur de revendre les pierres parce qu'il est persuadé que ça va servir à... que ça peut servir à quelque chose. Et moi, j'ai cru lire... Enfin, je suis persuadé d'avoir lu quelque part qu'a priori, les pierres n'ont pas spécialement d'intérêt. On a acheté le guide sans vouloir balancer personne. Donc peut-être qu'on peut vérifier. Non, c'est pas dedans. C'est une vraie question. C'est t'as acheté le guide ben moi, ah, je, merde, je pardon. L'ai lu. Ah, aussi. Oui. Oups. J'ai acheté okay, le guide. Deux fois le micro. J'ai acheté le guide, mais en fait, je m'en sers assez peu. Mais il est beau, cela dit. C'est plus... très, voilà, très beau. C'est un bel objet. C'est pas pour me défendre, mais c'est un bel objet. Mais en fait, après quelques jours, je me suis vraiment rendu compte. Ouais, c'est ça. Il est à côté de toi, là. Ouais. Donc ça, c'est la version collector avec la couverture qui va bien. Non, mais il est vraiment magnifique. Faire, voilà. Non, c'est un très bel objet. Et ouais, c'est au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que c'était tellement immense que peut-être j'allais avoir envie par moment d'un soutien, tu vois, pour pas me sentir tout seul. Je m'y réfère assez peu au final, si ce n'est pour des mécaniques comme ça. Voilà. Quand il y a eu c'est la soluce en fait ou le guide C'est les deux. Les deux. Il y a une partie de cheminement à laquelle j'essaye de pas me référer parce que en plus... Enfin, ce qui est doublement dommage dans le cheminement, c'est qu'à la fois ça te spoil le truc si tu ne fais que t'y référer, et en plus, de par la nature du jeu, ce cheminement-là, c'est un choix. Tu vois, donc si tu te suis à là, si tu te suis à ce qu'il y a dans le guide, au cheminement qu'il y a dans le guide, tu fais pas spécialement ta propre histoire. Je pense que c'est un choix un peu optimal pour passer partout, pour tout faire, sauf que le jeu est pas fait pour ça, le jeu est fait pour que tu te construises ta propre histoire en ayant ton propre cheminement. Par contre, voilà, il y a eu sur des mécaniques, quand j'ai commencé à galérer en me disant « mais où est-ce qu'on trouve de la thune dans ce jeu ?» J'ai cherché dans le guide, effectivement. Ah, c'est pas comme les autres Zelda, beaucoup, où tu ramassais une plante et tu ramasses jamais un rubis. Tu soulevais des trucs, j'ai soulevé tous les pots que je trouvais pendant je sais pas combien de temps. Il y avait pas un rubis dessous, qu'est-ce que tu bordel. Donc j'étais cherché. Faut dans crafter. Le guide, et effectivement, il parlait beaucoup de la valeur des pierres précieuses. Et donc je me suis rendu compte en allant au premier village qui m'est tombé sous la main qu'effectivement les pierres ont une valeur de ouf. Donc j'essaye de les spotter, comme je disais, j'explore beaucoup en contournant pour l'instant. Par moment, l'avantage c'est que du coup tu chopes pas mal de pierres précieuses. Alors par contre, je sais pas si tu as un peu vu sur internet, il y a plein de secrets autour de ce jeu. Ils ont fait un personnage sur comment il s'appelle, l'acteur qui est mort, qui est sa fille qui s'appelle Zelda là. Robin Williams. Voilà. Ouais. Ils ont fait un personnage aussi qui ressemble au président Nintendo qui est mort. Ouais, qui. Non, mince. Oh. Satoru Iwata, oui. Ça. Il y a les deux rochers de Zelda 1 aussi. J'ai vu pas mal de vidéos, franchement, c'est okay. Sympa. Mais c'est pas étonnant, c'est un monde tellement immense que ouais. C'est pas étonnant, ça va être bourré de références. Non, franchement, c'est. Et si, il y a une grosse nouveauté, mais il y a un défaut derrière. C'est que ce qui est bien, c'est que tous les personnages parlent. Mais que dans les moments forts. Ouais, dans les cinématiques. Mais Link parle toujours pas. Ouais, dans les cinématiques. Ça, j'étais un peu déçu, ça, par contre. Ouais, et à la fois, on peut pas casser. Il a changé de tenue aussi. Ouais, ça lui va mieux. Et puis ce bonnet, ce. Mais en même temps, sans son bonnet, moi je trouve ça un peu décevant parce que c'était quand même un symbole. Moi je sais que. Ça faisait un peu années 80. Barbu, dont on a parlé tout à l'heure, l'a testé. Pour voir un petit peu ce qui valait et tout machin. Il était super content du jeu, mais effectivement déçu de la tenue. Parce que Link, avec la tenue qu'on lui a toujours connue, à un moment donné, c'était Link quoi. Tu peux l'avoir par les amiibo. Voilà. Et si tu du veux coup, payer c'était un déçu. Déçu. Benji, tu nous écoutes, les amiibo. Déçu vite fait, tu vois, mais de dire, bon, à un moment donné, effectivement, il a super évolué, il a évolué dans sa tenue. Mais du coup, moi, j'aime bien il manque quelque chose. Ouais, tu trouves. Moi j'aime bien, moi. En plus tu changes de costume pendant tout le jeu. Je veux dire, tu gardes pas le même costume pendant tous les Zelda. Ah oui, parce que, voilà, tu étais toujours en vert. Après c'était l'avis de Barbu quand il a joué, parce qu'on en avait parlé, et il a dû jouer 10 minutes au début du jeu. Enfin voilà, ça a été... Oui, il a pas eu l'occasion de... Ça a été un avis rapide sans changer de costume et tout. Non, moi j'aime bien le parce que là t'as une tenue où tu es déguisé en femme aussi. Il y a ça, un chevalier... Ouais. Non, qui est en rapport avec un village de femmes. Ouais. Ouais, bah, je me doute bien qu'ils l'ont pas juste habillé en femme comme ça pour le fun. Mais... C'est pour justifier tous les gens qui l'appellent Zelda sans trop savoir. Du coup, j'y pense parce que forcément, j'ai l'image du guide sous les yeux et j'aime bien le look qu'ils ouais, ont fait. Moi aussi, j'avoue pareil. Que ça... Bah, il a évolué, quoi. Alors qu'on entend le thème de la pizzeria, j'imagine. Ça fait très. Parce que ça fait très pizzeria italienne. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Ça fait très le parfum. Vous savez tout le monde. Voilà, ou la recette de ma grand-mère, ou comment Zelda, ça Zelda, on en aurait bien à dire, je pense. Donc du coup, on va... Il y a les Amiibo aussi. Enchaîner. Je sais pas si t'as essayé. Les Amiibo. Non, j'ai pas essayé. En plus, enfin, j'ai pas d'Amiibo Zelda spécifiquement. Il a l'air un peu affolé, là, d'un coup. C'est non, mais les Amiibo, je pense... Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Benji, si tu nous écoutes, deuxième fois. Non, en vrai... C'est trop mignon et moi si je m'écoutais je les achèterais tous, mais si j'écoutais mon banquier il faudrait pas que j'en achète, grosso modo. Pour résumer la situation, c'est chaud parce que c'est pas donné, hein. C'est pas donné, mais mais objectivement, enfin moi je trouve ça génial, on trouve ça génial, c'est juste que c'est... Moi heureusement que j'ai pas de Wii U, hein. Franchement c'est... J'en ai pas mal, hein. Non, moi heureusement que j'ai pas de Wii U parce que sinon le banquier me ferait grave la gueule. Yoshi en laine. Eh non, putain, non. Il est beau ce... Alors, le géant. Ah ben non, mais magnifique quoi. Enfin, donc si vous ne savez pas comment faire pour mon anniversaire qui est bientôt dans 4 mois, voilà, je lance un le appel à une cotisation du tout. À tous les gens qui nous écoutent, surtout mes amis Benji, Choupis, je pense à toi, Tonin, Léo. Bref, continue, je continue la liste. Moins que ça. Bon, donc on va essayer d'enchaîner. Dans pas longtemps alors. Parce que sinon on va rester deux pompes sur Zelda. Non, sur mon anniversaire. Je veux bien des licornes aussi. Non, pas sur ton anniversaire, c'est gentil. On fait un podcast anniversaire. On va enchaîner sur... C'est la dernière fois que je participe, il veut plus de moi après. Hein. Ah, c'est pas du tout la même ambiance. C'est notre jeu avec Mag. Ouais, c'est Snipper Clips, la grosse surprise de cette console. Donc Snipper Clips, c'est un jeu indépendant en fait qui était prêt. C'est pas une commande de Nintendo. C'est un jeu indé qui était déjà quasiment prêt et que Nintendo a racheté entre guillemets. Alors je sais plus s'ils ont embauché les mecs ou s'ils ont commandé le jeu au final dans cette version là au studio en question. Mais voilà, c'était un jeu qui n'était pas spécialement conçu pour la machine au départ et puis qui pourtant s'y prête extrêmement bien. Donc Snipper Clips, on y joue deux personnages en forme de... Alors moi je dis borne kilométrique, mais chacun a son interprétation. Mais alors je pense que la sienne est meilleure que la nôtre globalement, parce que pour moi c'est plutôt un rectangle qui aurait plutôt un côté arrondi. Enfin voilà, donc borne kilométrique c'est pas mal comme explication. Une borne kilométrique. Moi je dis pas. Voilà. Moi j'aurais dit des cutters. Enfin, les... Ok, ouais, encore. Ok. Non, mais je vois carrément l'image. Ah, moi, je vois pas du tout. Il parle en fait. Donc, voilà. L'étui du cutter en fait. Ouais, tu sais, les gros cutters, ils ont l'étui. Ah, oui. Effectivement. Oui. Effectivement. Ils ont l'étui arrondi. Voilà, effectivement. Donc, deux petits personnages, ou quatre, parce qu'on peut y jouer à quatre, mais on va se concentrer sur les mécaniques à deux qui sont déjà bien suffisantes. Ouais, sinon, il faut racheter des Joy-Con, tout ça. C'est voilà, cher. Et donc, c'est on détache les Joy-Con de sa machine, on en prend chacun un, on le met à l'horizontale, comme une manette. Et la mécanique de base du jeu, c'est que ce sont des puzzles dans lesquels il faut se découper. C'est-à-dire que les deux joueurs se superposent et on a un petit bouton pour couper la partie de l'autre joueur que l'on recouvre soi-même. Je ne sais pas si je suis très clair. Si. Voilà. Impeccable. C'est pas évident. Il faut le voir tourner quand même. Il faut le voir chez soi, comme on dit. Oui, parce qu'après il y a toute une mécanique avec les corps qui tournent, etc. Donc la découpe va avoir plusieurs intérêts. Donc c'est difficile à expliquer comme ça, Snipper Clips. Et donc Snipper Clips, c'est un jeu pour se fâcher avec ses amis. Alors il faut être bien sûr de ton couple avant de commencer, je tiens à le signaler, bien sûr de c'est ses coopérer, amis. Coopérer, coopérer. Non mais sinon, il faut partager un cerveau. Ouais, ou ça marche très très bien avec les gens avec qui t'es un peu fusionnel. Faut fusionnel. Soyez-moi si vous voulez, dans les jeux, on a un cerveau pour deux. Dans la vie, meuf. Dans la vie même. Et pour le coup, dans Snipper Clips, c'est vachement utile d'avoir un cerveau pour deux. Mais tu sais, ces gens dont tu finis la phrase ou quoi, ben voilà, c'est sincèrement, je crois que c'est ça qui marche le mieux parce que, ben pareil, enfin... On s'en sort bien, je pense, quand on connaît bien les gens, parce que sinon c'est pas possible. Parce que toi t'es genre, alors il faut que tu mettes le machin dans le truc, coupe-moi en pointe. Mais coupe-moi en pointe, ça veut rien dire, les gars, soyons bien d'accord là-dessus. Non, mais c'est ça, pour arriver à savoir comment se tourner, comment couper l'autre, où aller, quoi faire. En général, si tu prends le Joy-Con de l'autre. Non, mais si tu partages pas le même langage et le même cerveau, tu n'y arrives pas, quoi, je veux dire. Oui, parce qu'en fait, donc le but c'est pas seulement de couper l'autre, hein, bien que ce soit très rigolo de le faire disparaître. Donc, non mais c'est vrai parce que voilà. Donc on doit couper l'autre et le but c'est, donc t'arrives dans des petits tableaux, on est deux et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc dans le tuto on a vu que si on se coupait on pouvait rentrer dans une forme en particulier, actionner des mécanismes, des boutons, des machins. Mais voilà, t'arrives dans le tableau, ben la première fois franchement t'es paumé quoi. Un des premiers tableaux qu'on a dû faire après le test là des trois niveaux, c'est genre celui avec t'as une petite lumière. T'as une boule suspendue au plafond et sur le coup t'es comme un con, genre ok on en fait quoi. Donc évidemment tu réfléchis un peu, tu dis ok on met la lumière dans la boule. Alors la petite lumière c'est plutôt un insecte lumineux. Oui, oui chose c'est qui genre vole. Un vif d'or en fait. Luciole. Ouais, ah, moi, ou... non, c'est genre un pas vif d'or. Non, hein. Un pavif d'or, un, comment dire, un land d'or, un, comment ah oui, dire, un pavif okay, d'or, un d'or, parce non, que c'est un tout la petit, petite, c'est pas dans un Zelda, la petite lune, non, ou dans, c'est dans quoi dans Zelda? Mais c'est dans Zelda où t'as la petite fée oui, qui tue la tout petite le temps, fée on parle pas de Navi, s'il vous plaît, pardon, ça ah, fait des c'est dans Ocarina of Time, le jeu que j'ai pas joué, elle est insupportable. Si vous voulez en entendre parler, monsieur Poutounours, ça a fait un podcast d'un mois, tous les jours il nous parlait d'un, il répondait à une question à propos d'un jeu vidéo. C'était à la fin de l'année dernière, un truc a tourné sur les réseaux sociaux. Voilà, et en fait c'était sa réponse pour le personnage de jeu vidéo qui vous gave le plus, donc c'est pour ça qu'on va zapper le sujet tout de suite avant qu'il s'énerve et qu'il se fasse tout rouge et qu'il fasse le gros nez, qu'on ait peur. Elle est totalement insupportable. Pas. Mais bon, si ça vous intéresse, c'est sur personne son blog, l'aime, hein. monsieurpoutoudonce.fr. Voilà. Oula, c'est une pub. Bah quoi, je fais de la com, merde. Autopromo. Non, pas autopromo. Attends, si je faisais de l'autopromo. On a dit que c'était notre chargée de com ou pas, pour bien qu'elle serve à quelque chose. Oui, mais je viens de découvrir que c'est ma chargée de com perso, visiblement. Ça. Bon, bref, tout ça pour dire que donc, tu mets de la lumière dans la boule, t'as des. Je sais pas, il faut mettre le crayon dans le taille crayon. Faut pas toujours mettre un truc dans un autre, cela dit. Si, des boules dans un panier et tout ça. Oui, des œufs dans un panier. Oui, non, c'est ça, vrai qu'en fait, c'est des œufs dans un panier aussi. Et je pense qu'elle pense peut-être au. Il y a d'autres mécaniques de puzzle où il faut composer une forme. En fait, il y a juste l'empreinte d'une forme un petit peu bizarre, enfin de plus en plus chelou, de plus en plus complexe. Et un. C'est un peu un vu-mètre, une aiguille un au-dessus. C'est ça, non? Oui, un petit peu comme un tangram, ouais, c'est ça. Hein, c'est, en tout cas, ça ressemble à c'est ce style de forme-là, effectivement. Et donc, on a un petit vu-mètre, un petit truc à aiguille au-dessus. Et il faut se rapprocher le plus possible, se découper pour se rapprocher le plus possible de la forme finale. Alors, faut pas forcer. En plus, enfin, ils ont fait deux mécaniques autour des tangrames, on va dire ça comme ça. T'as soit celle effectivement de te découper et de te tourner dans le sens qui va faire que tu fais bien la forme, soit l'autre mécanique qui est sympa aussi, c'est-à-dire de découper autour du tangrame. Ouais. En fait, t'as un gros rectangle qui est violet pour le coup, je crois à chaque. J'ai joué qu'à la démo, c'est pour ça en fait. En fait, t'as un rectangle violet. T'as la forme en pointillé et tu dois découper l'extérieur de la forme. Voilà. Donc tu dois te positionner sur le côté machin et découper au bon endroit. Et, c'est pas mal rigolo. Enfin voilà, et c'est vraiment un jeu. Enfin pour le coup, on l'a essayé parce qu'il y avait rien hein, sur la Wii, sur la Switch pardon, j'allais dire la Wii. Oh. Sur la Switch pardon, excusez-moi, je sors. On l'a essayé parce que voilà, il y avait une démo de voilà de trois niveaux. Et au bout de trois niveaux, je dis vas-y, sors la carte bleue, on l'achète. Et j'ai adoré ce truc. Enfin. Et du coup, voilà, vu que tu parles finance, on parlait du prix exorbitant de One to Switch au niveau d'un jeu comme celui-là qui est assez sympa et qui, je pense, peut. Enfin, je sais pas combien tu as de niveaux et au-delà de ce qu'on a fait en termes de tarifs, il donne 20 balles. Voilà. Donc. C'est du dématérialisé. C'est un indé là où One to Switch a été produit par un studio, par Nintendo. J'allais dire est vendu en boîte, mais non, parce que tout de suite. Et si, il est vendu avec les manettes. Il est aussi vendu maintenant. Avec les manettes. Oui, en fait, ils ont fait un pack où tu as les deux. Joy-Con. C'est pas évident. Les deux Joy-Con, et tu as le code de téléchargement après pour avoir. Il est à 90€, je crois. Pardon. Bah deux Joy-Con, c'est 80 balles. Hein, Non, si tu prends les deux en même temps, je crois que c'est moins cher. Non, c'est 80. Ah, c'est 80. Oui, c'est 55. Un Joy-Con, c'est 55 euros. Ouais, c'est ça, pardon. Et les deux en même temps, c'est 80. Autant donc le 80 euros, c'est le moins cher. Voilà, on a parlé des défauts de la Switch. On va y venir après. À la fin. On garde ça pour la fin. J'en ai un ou deux en tête aussi. Pourtant, j'y ai pas joué beaucoup. Non. Mais bon, voilà, du coup, ce petit jeu est très rigolo. Si t'es sûr de tes potes. On peut y jouer à 4 a priori, mais comme on n'a pas racheté de Joy-Con parce que c'est un peu cher, voilà. Il faut connaître quelqu'un qui a une Switch après. J'aurais dû amener Emir. J'avais dit aux collègues, écoutez, le jeu il est cool, s'il peut se jouer à 4, qu'il est cool, tant qu'à faire, nous on prend des Joy-Con, histoire de. Et là on lui a annoncé le prix. Et là ils m'ont dit le prix, j'ai dit bon les mecs, sortez la Wii U les gars. Démerdez-vous, hein, on jouera à 2. Voilà. Non, parce que participer avec les potes qui t'a venir squatter chez eux et tout, bon, tant qu'à faire, tu vois, tu participes un peu. T'amènes ta manette perso. Ouais, mais là, non. C'est trop cher. Là, non. Mais bon, voilà, bon jeu, sinon, non, moi, je recommande vivement, vraiment. Avec les enfants, ça doit être assez sympa aussi. C'est ce que j'ai fait. Long, ça doit être compliqué. Long, pour le coup, selon l'âge. Ah, c'est là que tu prends le Joy-Con de l'autre pour. Voilà. Oui, c'est ça. Long, parce qu'effectivement, arriver à trouver comment couper, etc., ils ont. Forcément, selon l'âge, une réflexion qui va être différente de la nôtre, mais qui, je pense, peut être intéressante. Bon, par contre, ils ont envie de se battre à chaque fois. Évidemment. Parce qu'il y en a un qui ne va pas dans le même sens que l'autre. Ah, mais les adultes aussi. Ah, hein. Mais les adultes. Il y a qu'à voir avec aussi, Mag. Hein. C'est pas vrai. Mais je comptais le prendre de façon prochaine. Mais franchement, quand tu es arrivé, on était en train de jouer. Tu as pu voir à quel point on est. calme et discipliné quand on joue. À quel point vous hurliez dessus quand il est rentré dans la pièce. Mais après, on s'est tapé dans la main parce qu'on était fiers de nous. Est-ce que ça compense? Voilà. Bref, donc voilà, Snipper Clips, un très bon conseil si vous, achetez la Switch. Et puis a priori, pour l'instant, il est vraiment que sur Switch, hein, donc on ne le voit pas ailleurs. Je sais pas si ça va être porté, mais cela dit, il faut... Bah, vu le type de jeu, je pense que c'est plus difficile à... Avec une manette normale, enfin avec deux manettes normales, ça passera aussi. Ouais, hein, mais... ça se joue, mais du coup, par rapport au concept... Non, mais de toute façon, a priori, ils ont vraiment... Enfin, c'est vraiment un jeu que Nintendo a racheté, donc il y a une volonté de se faire une exclue là-dessus aussi. Et puis ils ont raison, hein, d'autres le font. Quand j'aimerais vraiment qu'ils sortent plein de jeux de ce style-là. Ah ouais. Vraiment original, convivial, c'est... Ben c'est au revoir la vie sociale. Peu cher. Non mais ouais. c'est un... Enfin, il y a vraiment un terreau chez les indés pour ça, donc si tu les écoutes, si tu leur... Le problème de la politique de Nintendo vis-à-vis des développeurs, des petits développeurs, jusqu'à maintenant, c'est que ça a toujours été une boîte très fermée, Nintendo, pour les développeurs. Si t'es pas une grosse boîte, si t'as pas déjà du cash, si t'as pas déjà des actifs, si t'as pas déjà fait des jeux, c'est difficile de travailler pour Nintendo, enfin de développer pour une console Nintendo. Là, ça voudrait... Enfin, c'est un début, c'est un premier pas fait par Nintendo vers les indés. Bon, là, pour le coup, en rachetant le concept. Mais j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, parce que, en plus, la spécificité de la machine, son côté à la fois console de salon, à la fois console portable... clairement, ça pourrait en faire une super machine pour les indés. En plus, dans le mode portable, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il faut se dire que c'est une console avec deux manettes quand tu l'achètes, en fait, quelque part. Ah oui. Donc, avec deux manettes. Quand tu as des jeux comme Snipper Clips ou Mario Kart, ben, t'as automatiquement deux manettes, quoi. Je veux dire, c'est. Donc après, c'est pas pour tomber comme dans la pub où ils jouent dans Mario Kart dans la voiture, mais. Mais ça fait ça un peu ce petit, sera pour par partir contre. En vacances dans quelques voilà. temps. Ça, c'est prévu. Tu nous diras. Son avis au retour de vacances. J'ai acheté la tige là, que tu mets entre les deux sièges. Et là, tu mets la tablette. Et t'es tranquille. Sur AliExpress. On attend 17 euros. On attend expressément, du coup, ton avis au retour des vacances. Attends, compte rendu. Est-ce que t'as été tranquille? Est-ce qu'ils ont vomi? Enfin, tu vois, genre, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a bien tenu? Est-ce que ça a été cool? Enfin, voilà quoi. Normalement, oui, je pense que ça va être bon. Allez, on enchaîne à nouveau donc sur les jeux à sortir cette année ou l'année prochaine éventuellement, puisque toutes les dates n'ont pas forcément été annoncées. Et alors, on va commencer par, il n'est pas exclusif à la Switch, mais il se trouve que moi j'avais une certaine affection pour ce jeu, pour cette licence, et j'ai découvert juste avant l'émission que Nico aussi, c'est Wonder Boy. The Dragon Strap. C'est la musique du château qui explose. Remake. Alors, c'est la musique du trailer. Ah. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais on reconnaît un petit peu quand on a connu la musique. On reconnaît... ouais. Je crois que c'était le thème des shops. Donc, Wonder Boy est un remake d'un vieux jeu maintenant. Hein, que moi j'ai connu sur Game Gear. Que toi tu as connu sur Master System et Game Gear. En fait, je l'ai racheté une deuxième fois. Ah ouais, c'était un... Parce que la version était un peu différente. Ouais, et j'étais vraiment fan de ce jeu. Un des grands titres. Et ça a été. Il a été remaké un petit peu dans la douleur, hein. Je crois qu'il y a eu du financement participatif, puis un éditeur derrière, enfin bref, ça a été un petit peu compliqué, mais c'est vraiment très très beau. Et c'est vrai qu'il va pas, enfin il va pas sortir que sur Switch, hein, il va sortir un petit peu partout, mais clairement je pense que c'est typiquement, on en parlait avec Snipperclip, c'est typiquement un jeu extrêmement adapté à la Switch. Juste je te fais une parenthèse, il faudra vraiment que tu lui montres parce que elle est dubitative. Mais en fait, je connais pas, donc je viens de Google, dans Google Images, et au moment où il a dit c'est très beau, j'ai vu les images, j'ai pas compris. Oui, non, mais attends, c'est des images d'époque, si tu veux. Enfin, c'est horrible. Pour l'époque, alors, c'est qu'est-ce ça. Que tu as vu, montre-moi. Ah non, ça c'est Wonder Boy 1. Alors, ça c'est le premier Wonder Boy. D'accord. C'est une saga sur arcade, probablement même des images de la version Master System. Moi j'ai paniqué là quand tu as dit. C'est Dragon Strap. C'est du Master System, si tu veux, donc à un moment donné ça va avec l'époque. Si vraiment tu veux googler, Google Wonder Boy Switch, je pense que. Aura des choses un peu plus. Ah, par contre, il y a une petite déception quand même qui m'a un peu. Enfin, c'est bien, mais ça m'a un peu déçu. Ouais. C'est quand j'ai vu qu'avec une touche, tu pourras re-switcher en version 8 bits. Ah, moi, le jeu. Cool. Mais ça veut dire que le jeu est exactement le même. Ah oui, mais ça, c'était. Et c'est un peu ça qui ça, c'était prévu après. Et ouais, mais je m'attendais, parce que je le connais par cœur. Et je me dis, j'ai pas acheté un jeu que je connais par cœur. Par contre, du coup, c'est plus la suite qui m'intéresse. Ouais. Monster Boy. Ah non, moi je trouve ça très cool justement ce côté, cette possibilité de switcher systématiquement entre les couches. Mmh. Je suis un grand fan de jeux d'aventure et sur les remakes de LucasArts, Devs and Tackle, etc. C'était un truc qu'ils avaient intégré aussi et c'est cool. Mais je trouve ça génial. Mmh. Que t'aies connu ou pas le jeu à l'époque, mais je trouve ça absolument génial quoi. Ils ont intégré la Wonder Girl là, j'ai vu. Oui. Et ça marche. Ouais. Bon, c'est marrant aussi. Ça. Ouais, c'est. Oh, remarque, ils ont l'air à fond. Hein. On va boire un mojito, donc encore une fois, on revient plus tard. Toujours. Un mojito, je veux bien. Ah non, toi, tu choisis ta team. Hein. Soit team mojito, soit team le jeu que je ne connais pas. On enchaîne donc sur Mario Kart 8 Deluxe, qui arrive bientôt. Alors, Wonder Boy, je ne l'ai pas dit, c'est le 14. Tu as choisi la bonne musique un peu comme ça. J'ai pas compris. J'ai choisi la musique du trailer. Il sort pas à Noël ? Non, il sort en avril, Mario Kart. Ok, excusez-moi, je suis complètement. C'est pour ça qu'il y a déjà des 4x3 dans la rue. Enfin, il a fait partie de la campagne d'affichage au moment de la sortie de la Switch. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ils annonçaient un jeu qui sortait en décembre, voilà. Non, non, il a fait partie de la campagne au moment de la sortie de la Switch. Parce qu'il mon anniversaire. Il était suffisamment prêt. Voilà. Ok, donc toi, c'est un truc qui t'intéresse, Mario Kart 8. Ah, carrément. Tu y as joué sur Wii U ? Ouais. Avec toi ? Non, pas avec toi. Si, avec toi. Ah ouais ? Ah ouais. Je ne sais plus. Il y a des chances. Ah, si, si. Mais moi j'adore les Mario Kart. C'est sûr parce que, parce que ce Mario Kart là m'a vraiment déçu moi. Bah, il me semble pas sérieux. Je trouve que c'est même le meilleur. Ah non, c'est sur 64 le meilleur pour moi. Ah oui, non, ah non. Ça je suis d'accord avec toi. C'est celui que j'aime 64. Le moins. Mais moi j'adore les Mario Kart dans l'absolu. Donc C'est celui de la GameCube. Pour moi les deux. Ah mais GameCube il est bien. Ah ouais. Alors on risque de passer pour un gros blasé. Il y a un truc qui m'a extrêmement déçu. Qui, de ce qu'on m'a dit, a été corrigé dans celui-là. Mais bon, bref, j'ai pas été vérifié. Il y a un truc qui m'a déçu dans Mario Kart 8 et peut-être que c'est ça qui m'a gonflé, c'est le fait que le mode battle se déroule sur les courses. Ah, le mode battle depuis la Super Nintendo, j'y joue. Et que ça soit pas le mode battle à l'ancienne, le truc avec dans les ballons, avec les ballons. Ah, ouais. Mais j'ai horreur de ce truc. Enfin, moi, je déteste ça. Ça, en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, à part dans le Mario Kart 64 où tout le monde parle du mode battle, j'ai l'impression que sinon, ça c'est, enfin, il est toujours présent, mais que l'utilisation du mode battle s'est perdue. Ouais, sur les Mario Kart, quoi. Mais cela dit, là, de toute façon, ils ont proposé un mode battle qui, pour moi, est juste à chier, quoi. Donc, Non, mais continue. Hein, D'accord. Ok, donc alors, en fait, je suis en train de demander jusqu'à quelle heure on peut commander les sushis parce que je viens de voir l'heure. Voilà, parce qu'après, et je panique parce que si le monsieur des sushis est fermé quand on termine, je vais décéder de faim. Voilà, je dépéris à vue d'œil. D'accord, c'est vous très compliqué. Ça vous fait rire, on peut faire une pause musicale pour commander les sushis. Ouais, moi je vote pour ça, vous en pensez quoi? Moi, on pourra couper ça au montage, on est tous bien d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Alors on va faire une pause avec... Bon, on va mettre une musique de Zelda, tiens. Voilà, pour la peine. Et c'est à nouveau nous. Alors on s'est pas encore sustenté, mais on a commandé notre sustentation. Je sais pas comment on dit. Bref, voilà. Donc on est prêt. On est prêt à reprendre ce petit défilé des jeux à sortir et on va continuer avec Arms qui est censé sortir. Alors j'ai noté printemps. Je sais pas s'il y a une date un petit peu plus précise. Donc Arms, c'est censé être un jeu qui va exploiter un peu mieux les Joy-Con. Qui est un jeu de combat. Est-ce que vous avez vu quelque chose à propos de Arms? Un trailer, moi j'ai vu toutes les bandes annonces. Je sais pas pourquoi, je suis un peu réticent de ce jeu. Ouais, moi aussi. Hein. J'ai peur que ça soit vite limité en fait. Ouais. Qu'à part agiter les bras, ça aille pas très loin. Alors est-ce que justement ça va être beaucoup plus détaillé comme du Mario Kart, du Splatoon, il y aura quelque chose de convivial? Mais je suis pas, non, c'est pas moi dans mes. Vraiment dans ma liste, moi je souhaite vraiment. Il faut vraiment attendre de voir parce que effectivement le trailer montre un jeu avec a priori des mécaniques bien rodées, etc. Mais qui pourrait être assez limité. C'est vrai que quand je vois ça, moi ça me fait quand même penser presque à une simple version améliorée du jeu de boxe de la Wii, de Wii Sport quoi. Par exemple. Moi ça me fait plus penser parce qu'on est sur ces mécaniques là. Et... Tu sais. Ouais. Il y avait beaucoup ah oui, de putain, jeux Kinect encore pire. Où du coup les premiers où il y avait beaucoup de sport, beaucoup de. Et en fait, c'est sympa au début, c'est original, mais après tu t'essouffles, tu. Il est en train de se faire tailler le jeu ou alors qu'il est même pas sorti ou c'est une impression? Non, dis juste qu'on sait pas. Par contre l'ambiance, c'est même pas un petit peu chaud. Le design a l'air super. C'est quoi? Ça a l'air même proche du Splatoon, c'est quelque chose qui. Est-ce qu'on peut avoir en 20 secondes savoir de quoi on parle en fait, parce qu'avec Mag on est un petit peu perdu là. Parce qu'on a pas vu le trailer du jeu. Jeu de boxe, on va dire. Enfin, pas de boxe, mais un jeu où t'es Joy-Con gauche, Joy-Con droit, et c'est beaucoup, sur la gestuelle. Ils l'ont fait tester au Grand Palais quand ils ont invité tous les journalistes. Oui, ça. Arms, ok, oui. D'accord. Ouais. Donc j'ai oui, vu il le était truc déjà, sur, il était déjà prévu. Sur Noco, je vois. Ouais, ça a pas l'air foufou. On passe sur. Tiens, j'ai pas de musique pour illustrer, on va mettre celle-ci. Dragon Ball Xenoverse 2. Alors ça c'est plus moi. Oui. Fan de Dragon Ball au niveau des mangas. C'est vrai que le dernier Dragon Ball que j'avais vraiment aimé, c'était les Raging Blast et Tenkaichi 3. Et apparemment j'entends tellement de bien de la saga Xenoverse que c'est vrai que j'ai la flemme d'acheter une Play 4 juste pour ce jeu en fait. Donc t'as pas. T'as pas essayé. Non, mais j'entends tellement de bien. Que franchement j'ai vraiment envie, dès qu'il sort je crois que je me le prends. Si tu l'achètes tu vas te faire squatter la console par un certain barbu. Moi je dis ça comme ça. En plus il y a Dragon Ball Super maintenant, donc vraiment la saga est relancée, donc Et donc Xenoverse il est pas exclu Switch hein, c'est ça? Non il est déjà sorti sur Play 4. Il est déjà sorti et ok ouais, d'accord, sur One. Donc c'est une retape c'est okay. Ça faut pas que barbu il écoute le podcast. Non, parce que sinon il va vouloir l'acheter et sur contre... One et tout, c'est le bordel. Et c'est ainsi qu'elle ne peut plus jamais approcher sa télévision. Par contre, ce que je crains, c'est que ça soit une version trop inférieure. Tu sais, des versions inférieures. Techniquement hein. Ouais. Ouais. Que ce soit un peu léger, oui, je comprends, mais pas qui bâcle le jeu. Comme ils ont fait d'ailleurs pour Zelda et la Wii U. Mais on va pas se lancer là-dedans. Non, oula. Oh là là. Vas-y, on a fini avec Zelda. Ensuite, Puyo Puyo Tetris. Alors ça, moi, c'est un truc qui m'intéresse. Ah, moi, j'aime bien les jeux comme ça. Donc Puyo Puyo... Alors, elle, tout le monde, c'est pour ça qu'elle aime bien les jeux comme ça. Non, Puyo Puyo, je suis très mauvaise. Puyo Puyo, un puzzle game sorti... qu'on ne connaît pas sous le nom de Puyo Puyo. Chez nous, il était sorti sur Mega Drive. Ça avait été rebrandé dans l'univers Sonic. Ça s'appelait Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Un nom beaucoup trop long, encore une fois. Et c'est un puzzle game avec des bubules qui doivent se coller entre elles, enfin bref. Comment vous voulez me faire croire que Mag est pas assez bonne classique. À ça enfin, non, moi je suis très très mauvaise à Puyo Puyo. Non, les bonnes à Puzzle Bubble. C'est Puzzle Bubble où je suis bonne, mais Puyo Puyo je suis mauvaise. Enfin, en même temps, c'est longtemps que je pas joué. Il faut absolument que je te montre le puzzle de bowling avec lequel... Tu connais sur le puzzle Street Fighter? Ouais. Puzzle Fighter. Je suis pas très bonne. Par contre, si je me suis... Au dernier festoche qu'on a fait, je me suis... entraîner à Dr Mario et je commence à m'améliorer à ces jeux-là, alors il y a moyen que je vienne squatter sur Puyo Puyo. Donc bon bref, Puyo Puyo Tetris, moi je trouve ça plutôt cool. C'est très japonais dans l'idée hein, forcément, mais c'est peut-être le mix, enfin rejoindre deux licences, pas que tout oppose parce que ça reste des puzzle games, mais deux licences très colorées, etc. Pour lesquelles le mélange n'était pas gagné d'avance, mais moi je demande à voir, je trouve ça... je trouve ça intéressant. Après, sur Paris, ça dépend. Puis ça va être prix. Ça dépend du prix. Ouais, ça va dépendre du prix. Puis c'est des jeux où ça, à ça deux, tu pot, passes ouais. un moment, tu te mets un peu sur la gueule. Et même si tu fais des soirées à plusieurs, plus ou moins, tu vas t'affronter les uns les autres. Et je pense que bah, c'est un puzzle game. Tu peux très vite le transformer en party game. Ouais, voilà. Non, mais ça, c'est cool. Tu peux très vite le transformer en mini compétition si t'as envie. Enfin, tu peux en faire un petit peu ce que t'as envie. Je suis pas très attiré, moi, par ces jeux-là. Enfin, non, si, les puzzle games. Mais j'ai l'impression que tout a été inventé au niveau des puzzle games. Entre Bust Move, Puzzle Fighter, Magical. Donc on a déjà tout vu finalement. Ouais. Ah bah là, quand tu commences. J'ai l'impression que c'est juste du HD en fait. Quand tu commences à avoir besoin de cross de licences connues pour faire un jeu, c'est qu'effectivement, peut-être on arrive au bout du truc. Ah oui, ouais. Ça c'est sûr. Mmh. Après, oui. ce qui va attirer, ça va être voilà, le côté déjà de rejoindre deux licences. Et puis. Ces jeux-là sont intéressants, mais effectivement, maintenant sur les nouvelles consoles, bah, tu vas avoir peut-être une meilleure image, peut-être. Voilà, c'est ça. Qui peut. C'est comme Bomberman, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. C'est ça qui est. Bomberman, c'est peut-être pour le coup un bon exemple de ce que tu dis. Mais moi, j'ai été hyper surprise sur un jeu. Alors, ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein, globalement. C'est un jeu sur PC. Non, je sais si on y a joué à Noël, quand j'étais malade, que j'avais la grippe, que j'ai failli mourir, à peu près. Souviens-toi. Ouais, dis-moi le nom alors, du jeu. Je ne sais pas comment s'appelle ce jeu, mais tout le monde va comprendre de quoi je parle, les gens qui ont joué en tout cas. C'est un genre de Tetris. Les pièces, donc on peut jouer à 3, 4. C'est un genre de Tetris, t'as tes pièces qui tombent et le but du jeu c'est de faire la tour qui monte le plus haut possible. On y a joué il y a pas longtemps. Oui, c'est voilà, Tricky Towers. Voilà, merci. Sachant que les pièces tombent sur le côté, si c'est pas bien mis, machin, ta tour se casse la figure. Et ça reprend vraiment le principe de Tetris, t'as les mêmes pièces que Tetris et c'est une mécanique totalement différente. Et perso, j'avais jamais. Ouais. En fait, ça me rappelle aucun jeu. Pour moi, c'est un truc hyper innovant. Après, je suis peut-être passée à côté d'un tas de choses, certainement. Mais voilà, en reprenant. Un jeu hyper connu, des pièces d'un jeu hyper connu, d'un truc, le principe de s'emboîter, machin et tout. Voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé hyper innovant avec plusieurs techniques de jeu différentes et j'ai adoré ça parce que justement, c'est un truc que tu connais qui est complètement remixé. Donc, peut-être une bonne surprise finalement et je sais pas. Il faut voir ce qu'ils font avec cette mécanique-là, surtout si c'est juste histoire de croiser les deux licences pour le plaisir. Où ça mène quoi. En fait, j'ai l'impression qu'aussi ils vendent de ça, mais je veux dire, il n'y a pas de risque, je veux dire, ils savent très bien que. Non, il n'y a pas de risque. Voilà, c'est sûr. Pas de risque. C'est comme les jeux SNK. Avec du Tetris dedans, il n'y a pas de risque. Revendre les jeux SNK, pour moi, c'est. Oui. C'est exagéré. C'est. Bah après, ce qui va. Après, quoi, on va dire la prise de risque, entre guillemets, et là où ça va vendre ou pas vendre, ça va être le prix auquel ils vont le sortir. Ça, c'est toute la question qui va se poser. J'ai pas vu le prix des jeux SNK, ça va être du 10€ à tous les coups. Je crois que c'est 8,99€. Il me semble. Franchement, pour c'est l'âge qu'ils ont, moi je mettrais 2-3 euros. Peut-être j'exagère. Bah, mais... Ça reste la tarification Virtual Console un poil abusée quand même. Oui, c'est sûr. Surtout qu'entre nous, on sait très bien que les émulateurs, tout ça, ça tourne et on sait très bien que ces jeux-là, on les a. Oui, puis qu'en plus, ce travail-là, c'est un travail d'émulation aussi. Oui, donc rien de compliqué en général. Quoi. Splatoon 2. Qui a testé Splatoon 1 autour de Moi. Cette pièce? Oui, je l'ai. Tu es le seul. C'est un très très bon jeu et vraiment un des meilleurs. Mmh. Et d'ailleurs, Nintendo, encore une fois, ils sont renouvelés, c'est quelque chose de nouveau. C'est, pour une fois, c'est pas un jeu de tir où c'est de la violence. Ils ont réussi à créer un jeu où il n'y a pas de violence et franchement, tu te régales. C'est un jeu de tir tout public. Ouais, tout public. T'es pas obligé de faire du chat audio. T'es pas obligé de. Moi, je trouve que c'est une grosse avancée. Mais quand je vois Splatoon 2, je vois pas trop de nouveautés. Enfin, par contre, pour ceux qui n'ont pas connu, je le conseille. Enfin, je pense qu'il doit être bon. Je l'ai pas essayé, la version bêta. Enfin, le oui, Global donc là, au moment où on enregistre, effectivement, c'est juste après, enfin quelques jours après le Global Test Fire qui a eu au mois de raté. Mars. On a tous raté, alors que c'est dommage parce que c'était cool et ça aurait été l'occasion de tester le jeu donc sur quelques puis, créneaux d'une heure. Par contre, tu parlais tout à l'heure des jeux de la Wii U, justement, où il y avait l'écran qui servait. Et ça, ce jeu-là, ça servait énormément. Ça permet de se téléporter à travers toute la carte. Vraiment, c'était. Nécessairement, c'est une mécanique qui va falloir adapter. Exactement, et je me demande sur Switch. Bah, c'est toutes ces mécaniques-là de certains jeux où tu vas avoir sur l'écran que tu avais sur le gamepad, où tu avais une map, où tu avais cette possibilité-là de te téléporter, où tu avais toute la symétrie. S'ils les adaptent sur Switch pour faire une suite, c'est bien, mais comment? Pour garder voilà. cette comme donc personne là, n'a testé parmi nous, on a tous raté donc, de coche. Donc ça, voilà. Ouais. Cela dit, moi, j'ai pas testé Splatoon, mais à chaque fois que j'ai vu la pub, je me suis dit que ça avait l'air vraiment cool comme jeu. Ouais. Et ça me dit bien, et là, pour le coup... Faut voler la Wii U à Jérôme, parce qu'il y joue beaucoup. Non, mais on a une de Wii U. Non, mais puis je sais, mais lui, il a le jeu, quoi. Jérôme, on arrive. On vient te voler ta Wii U et surtout. Ou alors, faut aller squatter chez lui pour tester le jeu. Splatoon. Donc Splatoon 2, ouais, on l'attend, on l'attend pas. Ah ouais, moi j'attends. Ouais, on l'attend. Moi j'attends, mais peut-être j'attends parce que j'ai pas le 1, voilà. C'est peut-être le problème. Ouais, quand on n'a jamais essayé Splatoon, effectivement. Bon, c'est l'occasion de s'y mettre. Mais moi je peux même pas dire que je les attends, j'ai pas la console. Comment tu veux que je les attende ? J'ai pas cité Genital Justing. Non, on va pas en parler. Alors que tous les gens qui ont joué à ce jeu sauront pourquoi j'y pense. Ouais, mais c'est un jeu absolument dégueulasse dont je vous passe les détails, mais bon, il y a un mode qui ressemble un peu à un Splatoon où il faut repeindre une arène. Et voilà, c'est un peu ça qui m'a donné envie de jouer à Splatoon en fait, parce que je trouvais ça très rigolo. Cherchez ça dans votre moteur de recherche préféré, Genital Justing. Enfin, sauf si vous avez des enfants près de vous. Vous voilà. Nous remerciez. Oui, c'est Peggy 16, je pense. Faites ça quand les enfants sont couchés, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Enlevez le contrôle parental, sinon vous trouverez rien. C'est pas tout compliqué. Autre suite de jeu auquel tu as joué, Nico, Xenoblade Chronicles 2. Effectivement, donc j'ai le 1 aussi. C'était Xenoblade Chronicles X. Parce oui, que le, oui. Celui qui n'est pas le X, c'est celui qui est sur Wii ou 3DS, je crois. Je saurais pas te dire, donc je vais pas donc, répondre pour pas dire de bêtises. Ce jeu était très impressionnant par sa carte, par son immensité. Je sais que dans le 1, j'avais été déçu parce que l'ambiance était un peu froide. Voilà, comparé, comme je disais tout à l'heure, aux univers de Zelda. Mais je pense que le 2, déjà le 1 était un hit, je pense que le deuxième le sera aussi. Mais là aussi, je l'attends pas énormément, celui-là. Ouais. C'est plus un autre que j'attends. D'accord, le suivant peut-être. Super Mario Odyssey, prévu sur la fin de l'année, a priori le jeu qui devrait faire vendre de la Switch à Noël. Hein, on... Je savais qu'il y avait un Mario en décembre, mais j'étais pas du tout. On a bien t'étais compris pas sur le j'ai bon, dit sur fait. Mario Kart, en fait. Ouais, je viens de comprendre, pardon. Ah donc on a bien compris que c'était sa mission était celle de comment dire, de System Seller pour aller faire vendre de la Switch, peut-être en pack, on ne sait pas, à Noël. Super Mario Odyssey, donc qui lui aussi se présente dans un trailer avec un certain vent de fraîcheur en particulier génial, le truc. Parce que l'utilisation d'environnement réaliste avec des êtres humains dedans, dans le monde donc réel, c'est un petit peu nouveau, voilà, pour Mario. Ça a, surtout ça. Ça a choqué certains, et enfin, ça a choqué plus ou moins des gens. Il y a eu des attaques. Vous me montrerez le trailer parce que moi, du coup, je l'ai pas vu. Tout à fait. Génial, mais vu ce que vous m'en dites, je sais pas, je vais peut-être essayer de faire en sorte de me le faire offrir à Noël. Je pense profiter de me faire offrir la Switch. Je sais pas, on va voir, on va négocier un truc. Autre particularité de Super Mario Odyssey, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui veut. Qui se veut un hommage à la carrière de Mario. De plombier. Voilà, la carrière de plombier, même de Mario. Enfin, la carrière de héros de Mario, hein, qui passe son train à sauver sa blonde. En même temps, si elle se faisait pas enlever tout le temps, il y aurait pas de jeu, ce serait dommage. Alors moi, j'attends que Peach sauve Mario, voilà. Donc, ouais, et pas en chouinant comme une fillette, parce que c'est pas une fillette, c'est une meuf badass. Comme dans le jeu sur GBA, tu veux dire. Voilà. Ouais, elle saute avec son petit parapluie. Et dans Smash Bros, elle est forte. Voilà, moi j'attends totalement qu'on arrête d'aller sauver Peach. Je pense qu'elle peut se sauver toute seule et j'attends totalement un nouveau truc. Et franchement, sincèrement, blague à part, ça me ferait hyper plaisir un jour de voir un bon Mario avec un truc différent de le moustachu va sauver la jolie blonde, parce que c'est bon, on en a bouffé de ça va. Elle peut se sauver toute seule, on peut, je sais pas, mais je pense que c'est bon, on est en 2017. Il y a moyen de faire quelque chose. Et on a marre de voir un homme. Mais c'est surtout l'histoire, sauver, toujours Bowser qui kidnappe. Non, mais c'est ça, enfin. Autre chose, ouais. Voilà. Cela dit, ça a l'air d'être le cas encore dans celui-là. Il y a une histoire de mariage. Sincèrement, c'est bien dommage parce qu'on est en 2017. Non, mais à un moment donné, si tu veux, les Mario, ils évoluent, ils sont très bien, soit. Mais je pense que l'histoire n'évoluera jamais. Mais non, ou alors, mais peut-être qu'elle va se marier avec Bowser de son plein gré. On ne sait pas. Franchement, moi, si c'est de son plein gré, qu'elle y aille. Enfin, c'est pas mon genre. Mais cela dit, Mario non plus. Il est moustachu, mais il a pas de barbe. Les moustachus. Non, c'est la salopette. Je suis désolée, je peux pas. C'est rédhibitoire. On te comprend. Non, pardon. Blague à part. Non, voilà. Moi, c'est juste le fait que c'est bon. Enfin. Que Mario aille sauver Peach, est-ce qu'un jour on pourrait pas dire que Peach elle est un peu badass et que. Enfin, oui, on est en 2017, ça fait 12 fois que je le dis, mais je le pense. Enfin, je pense qu'on pourrait passer à autre chose. Et à force de le dire, on va être en 2018 d'ailleurs. Effectivement, à force d'enregistrer, on va être en 2018. Voilà, donc, bref. Donc, Super Mario Odyssey, donc un Mario en 3D, moi ça me fait vraiment bien penser au feeling, au sensas que j'ai eu avec Mario 64 hein, à l'époque. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Comment ça va se passer avec, ah, tout, ouais, avec tout ce côté hommage, ça côté fait qu'on avait dans les décors. Ça fait penser à Mario Sunshine aussi. Ouais. Parce que Galaxy était très linéaire aussi. Galaxy était très linéaire, avait son ouais, originalité avec l'utilisation des planètes, avec des niveaux sphériques en fait. Mais restait pas mal linéaire. Ah, si, moi, mais alors, je pense que vous allez rire. Je galérais à mort. J'ai galéré à mort. Franchement, mais je revois le truc où t'es devant et t'es... j'y arrivais pas, quoi. J'ai trouvé ça très difficile, mais pas le jeu en lui-même, mais juste la jouabilité. Voilà, j'ai galéré comme une nouille, quoi. Mais... j'espère que ça ne se reproduira pas, que je ne sentirai pas aussi bête devant ma Switch. Mais sinon, je l'attends. Ça, c'est pas gagné. Hein. Oh, c'est plus ma copine. Je tiens à la souligner. Mais non. Je ne veux plus jamais lui parler jusqu'au prochain podcast. Je partagerai pas mes sushis. Oui, il faut continuer à parler pendant que je parle. En fait, ils n'arrivent qu'à les sushis. Alors ça, c'est la question importante de ce podcast. Quand est-ce que les sushis arrivent? C'est la question importante de beaucoup de cafés. Ouais. De beaucoup de cafés. Je ne sais pas. Je préfère pas vous le dire. Ils arriveront à la fin. Vite, dépêchez-vous. Vite. Au revoir, à bientôt. Bah, ça tombe bien parce qu'on a terminé, peut-être, à moins que quelqu'un veuille y rajouter. Les points négatifs de la Switch, on en a parlé. Et non, on y vient. On y vient. Donc on a terminé sur cette. On va enfin pouvoir donner les points négatifs. Parce que je suis pro Nintendo. Nintendo a fait une liste, apparemment. On a terminé sur cette liste de jeux à sortir qui se voulait non exhaustive, hein, avant de gueuler parce qu'on a oublié des trucs. Arrêtez. Et on va passer donc à notre petit bilan de la console. Donc cette fois un petit peu tout inclus, hein, le jeu, les jeux, la machine, etc. Point de vue, qu'est-ce qu'on en retient en termes de qualité, de défauts? Nico, tu veux commencer peut-être? On va commencer par les défauts. Le défaut, c'est le prix des accessoires. La manette à 70€, le Joy-Con à 80€, le 1-2 Switch à 50€. Faites l'addition chez vous, sortez votre calculette si vous êtes assez mieux que moi. Ça, c'est vraiment le gros point noir. Après, c'est clair qu'on reconnaît toujours la magie Nintendo, la qualité Nintendo, la qualité des jeux, à part 1-2 Switch. Franchement, c'est non, je retiens que c'est une bonne console. Et par contre, il faut qu'ils nous fassent des jeux du même style que Zelda. Et je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ça, ouais. Et que les éditeurs tiers soient. Peut-être un Super Mario Odyssey, peut-être. Et le contrôle parental est génial. Ah, là, c'est le papa qui parle. Voilà, donc là, j'ai toutes les statistiques en fonction des heures que mon fils y joue. Donc, ça me permet je de le bloquer. Je compare avec son bulletin scolaire et j'essaye de trouver les liens. Mais c'est exactement ça, en fait. Non, mais c'est top. Franchement, c'est vrai que. Et puis, ouais, la vidéo de présentation du contrôle parental, ah, ouais, si vous ne l'avez pas vue, il faut la voir parce que, oui, franchement, avec Bowser et Baby Bowser. Je me demande si c'est pas la meilleure des vidéos. Ouais. Quoi. C'est... Ils auraient dû faire ça, en fait, pour les présentations des jeux 1-2 Switch. Ils auraient totalement dû partir dans un délire comme ça parce que l'un dans l'autre, ça non plus, il n'y a pas eu besoin de traduire ou quoi. Enfin, c'est un truc universel et tu comprends. Et c'est vraiment drôle, quoi, pour le coup. Non, mais 1-2 Switch, c'est pas fait pour être drôle. C'est très sérieux, les vidéos de démo. Attends, c'est peut-être le problème, finalement. Non, mais c'est sympa, quand même. Enfin, faut pas non plus détruire le jeu, quand même. Enfin, non, moi, je parlais juste des vidéos de démo des jeux. Ah, les vidéos, ouais. Après, c'est... moi, je me sens sale, hein. Quand je vois les vidéos d'intro de 1-2 Switch. Quand je vois le gros monsieur en salopette en train de traire la vache avec la, oui, le Joy-Con. T'as pas envie de faire pareil. Là, je me sens très sale. Tu sors ta salopette, tu l'enfiles et tu traites en bas. Ou la bouteille aussi. La bouteille. Faut secouer. Mais bon, ça c'est. La bouteille, je trouve ça marrant. Moi. Ouais, parce que c'est un truc, tu peux jouer. Enfin, tu peux être 10 dans la pièce. Tu peux, Moi, ce que j'ai trouvé très drôle avec la bouteille, je suis désolée, en plus, on part trop en vrille. On repart trop en vrille sur 1-2 Switch. J'étais dans la cuisine. Alors, on a une cuisine ouverte pour ceux qui n'ont pas l'image. J'étais dans la cuisine en train de faire un gâteau. Et ils étaient en train de tester ça. Et je me suis retournée. Et j'ai juste vu tout le monde regarder un des copains en train de secouer la manette. Et sur le coup, j'ai juste pas compris la scène. Et passer un truc rapide. Vraiment, j'avais pas. Enfin, je voyais pas la télé de là où j'étais. Je voyais juste les copains en train de secouer la main les uns après les autres. Et franchement, c'était hyper drôle, quoi. C'était ridicule. Comme quoi, entre ça et la VR, en ce moment, le jeu vidéo, si t'as pas le contexte. Ouais, t'as vraiment l'air assez compliqué. Vu de l'extérieur. D'ailleurs, à quoi un podcast sur la VR? C'est prévu. Tu as un casque? Oui. Oui, tout à fait. Tu reviens? Pourquoi pas? Ok, bon, bref. Voilà. On était sur la Switch, donc. Et d'abord, on fait un podcast sur les Sims. Je réitère mon appel à témoignage. Si toi aussi, tu joues encore aux Sims, pardon, en 2017. Et un pour Wonder Boy aussi. On va faire une liste, on va la mettre sur le site. Ouais. Et... Saga Wonder Boy. Nous tweeter. Non, moi, je lui trouve un autre gros défaut, c'est que. Et sur la page Facebook. Non, mais continue à parler, mais je fais notre pub. Enfin, je dis qu'aux gens, on nous trouve. Je lui trouve un autre gros défaut, c'est la position dite nomade. sur laquelle on est censé poser la console voilà. quelque part avec voilà c'est le ce, truc qui a pas l'air ce petit pied de merde qui est pas stable pour un sou, qui est tout petit, qui est tout seul, qui ça m'est pas arrivé parce que je me sers assez peu de la console comme ça, mais qui visiblement saute assez facilement. Visiblement ça se remet bien aussi. Alors pro tip, si vous cherchez le slot micro SD parce que vous téléchargez plein de trucs sur la console et que vous avez besoin d'une SD, il est là-dessous. Je cherchais pas, moi j'ai cherché un moment. Bon, après, tu peux lire le manuel aussi, mais. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Non, mais c'est surtout que je me suis dit l'emplacement de stockage aurait été un endroit un peu plus évident, mais ils ont été le planqué là-dessous, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais bon, bref. Je suis à voir, donc je passe l'information pour les générations futures. Il a besoin voilà. de t'en parler. Voilà. Non, mais par contre, ce petit pied de merde en plastique là. Ça fait cheap en fait. Je pense qu'il y en a plein qui vont casser. Ça fait cheap quand tu le vois, ça fait cheap quand tu t'en sers. Ça fait cheap quand ça pète ta console. Voilà, et c'est ça. Et moi, j'ose déjà pas la déplacer, on l'a dit tout à l'heure, entre le salon et le plumard. Donc, clairement, la poser sur une table ou même à l'extérieur, je me souviens, je crois que c'était dans le trailer. Ouais, il la pose au skatepark ou. Ouais, c'est ça, il la pose au skatepark, sur une table en bois, style table de pique-nique, un truc comme ça. Pour moi, ça se trouve, c'est juste un partout. Non, mais je sais pas s'il y a pas des mecs qui font du skate derrière pour faire genre on est jeune, on est skate. Ah, il me semble bien. Mais oui, totalement, il le pose sur une table en bois de merde. C'est ça. Là, sur la table en bois, en vrai, tu poses même pas ton assiette. Moi, je crois que la tienne, je l'ai vu poser une seule fois. Fois à un endroit Switch, pour la faire tester. Oui, la Switch, évidemment. C'était à l'appart hôtel, au dernier festoche qu'on a fait pour que tu puisses la faire tester à Jérôme. Ouais, mais c'était vraiment. Mais ça a duré 10 minutes. Le truc super safe. Ouais. Personne ne bougeait autour de la table. C'était pour lui faire tester le mini-jeu des glaçons. Là. Pas des glaçons, des billes. Ah ouais. Je dis les glaçons parce que quand Nintendo a vendu la technologie du ce qu'ils appellent HD Rumble, qui est dans les vibrations HD, même si ça ne veut rien dire. Normalement, ça devrait être les vibrations ici, mais ici, ça fait vraiment trop années 80. Bref, passons. Donc, quand ils ont vendu cette technologie-là, la comparaison que faisait le marketing de Nintendo, c'était de dire que ça permettait de ressentir des glaçons dans un verre. La sensation des glaçons dans un verre. C'est pas mal. Oui, pas mal. Ça ressemble aux billes dans la boîte, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu les glaçons. Voilà. Mais toujours du coup, voilà, pour donner un peu le contexte, on était 5, mais on était calés, genre fin de journée de festoche, donc bien crevés, tu vois. Juste avant d'aller se coucher, on avait mangé et tout, donc on était KO. C'est pas comme dans la pub. Non, pas du tout. Ouais, au skatepark, c'est moins glamour que dans la pub. En fait. Le truc bien stable. On était au skatepark depuis un bien moment, monsieur. Calme, juste nous, personne autour, tous assis en mode à moitié à mort, tu vois. Voilà. Là, il l'a posé sur la table. Il montre pas ça dans la pub. Il s'est servi du truc. La bande de mecs bourrés qui jouent à One Two Switch, il ne montre pas dans la pub. C'est ça. Mais au-delà de ça, sinon, on parle de la taille des Joy-Con ou pas du tout? Alors, mais tu peux. Moi, ça m'a pas choqué. Moi non plus, mais j'ai des petites mains. Mais toi aussi. Moi aussi, j'ai des petites mains. Ouais, mais pourtant, moi, j'ai des petites mains aussi. Et je sais pas, je trouve ça petit. Alors, on parle des Joy-Con en utilisation en mode solo avec la Dragon qui rajoute le truc dessus. Ouais, je suis d'accord. À l'horizontale pour jouer à Snipper Clips. Oui. Ouais. Et ça t'a paru trop petit. Ah ouais. Ok. Alors, moi, j'ai exactement la même taille de main parce qu'on vient de vérifier. Et j'ai aucun souci pour le coup avec la taille des trucs. Après, moi, je suis plus joueur PC que console quand même. PC, mais je joue quand même beaucoup à la manette et c'est vrai que voilà, tout à l'heure on parlait manette. T'es habitué aux manettes Xbox ? Ah ouais. Et les manettes Xbox 360, pour moi, c'est la manette référence de tous les temps. C'est sûr que c'est pas la même taille. C'est, voilà. Et le fait est que, bah, pourtant, j'ai des mains toutes petites. Je pense à Monsieur Poutounours qui a quand même des grosses paluches, Des grosses paluches. Dis-le, hein. Tu vois, tu trouves pas ça petit, toi ? Alors. Moi, je sais pas, Les Joy-Con pour jouer à Snipper Clip, ça va. Avec la Dragon, on avait essayé une fois sans la Dragon parce que sans la Dragon, ça va. Le chat s'était barré avec. Ah putain, c'était mon anecdote. Ah désolé. Quel dommage. Bah voilà, je parle plus. Fini, au revoir, à bientôt. Oh, elle est vexée. Oui. Bref, donc on avait essayé une fois sans la Dragon et ça c'était vraiment pas petit mais crispant. La position de la main était pas convenable. Mais donc la manette Pro, j'ai rien à dire, elle est un poil petite mais ça va. Les Joy-Con comme ça va. Ce qui me gêne le plus, c'est la console en mode portable avec les Joy-Con dessus, quoi, en nomade. Pour jouer à Zelda, de toute façon, je n'ai joué en nomade, je n'ai joué qu'à Zelda. Pour jouer à Zelda, mais ça le fait parfois un petit peu avec la manette. il y a beaucoup de touches pour jouer Zelda, mais vraiment tout sert. D'ailleurs au début tu passes ton temps à inverser juste inverser entre les deux sticks. Les sticks donc servent de boutons hein, comme sur toute manette moderne qui se respecte. Et je passais mon temps à inverser entre les deux sticks, sachant que le gauche, si j'ai pas de bêtises, sert à s'accroupir, le droit sert à utiliser la longue vue qui permet d'aller marquer des positions, etc. Et je passais mon temps à inverser les deux systématiquement. Mais bref, tout ça pour dire que la position des boutons qui sont vraiment au-dessus et en dessous des sticks, mais strictement au-dessus et en dessous, pas comme peuvent l'être sur une manette de Xbox par exemple. Décalé. Voilà, où c'est légèrement décalé. T'as ce même truc, les sticks sont asymétriques, sont pas en face. Donc ça c'est bon, parce qu'on sait maintenant d'expérience que c'est reposant pour les poignets vu comment les jeux sont foutus, etc. Par contre, les boutons sont vraiment totalement alignés verticalement avec les sticks. Et sur Zelda, il y a des moments où moi ça me fout vraiment dans la merde. Parce que je suis obligé de me contorsionner et tout. Mais uniquement dans ce mode-là, avec la manette pro, ça va mieux. Mais parce que je crois que les trucs sont pas strictement alignés. Mais t'as des super grandes mains aussi. Hein. Ouais. Je sais pas si ça fait le même effet. Ouais, est-ce que même... ça t'a fait le même effet Moi j'ai des petites mains. Et ça t'a dérangé comme non, lui pas ou pas du tout. Ah, mais c'est peut-être ça aussi. Alors, c'est peut-être une histoire. Ouais, mais alors que moi, j'ai les mains aussi petites que toi. Mais là, on parle. Sur Snipper Clip, j'ai quand même le problème à un moment donné de. Je veux avec mon stick aller sur le côté, mais finalement, le stick est tellement petit que je finis par m'accroupir. Et je veux appuyer sur la touche pour t'enlever un morceau. Et finalement, je tape sur la touche pour sauter ou l'inverse. Enfin, j'ai vraiment ça. Ça, c'est son excuse pour dire qu'elle arrête pas de m'enlever des morceaux. C'est toi qui m'enlèves plein de morceaux d'abord. Moi, je saute alors que je devrais t'enlever des morceaux. Bref. Mais du coup, moi, j'ai vraiment ce problème-là de boutons très proches. Pourtant, enfin, j'ai des petites mains, mais c'est peut-être l'habitude de jouer sur une manette de Xbox 360 aussi. Il y a plusieurs paramètres. J'ai ce problème-là avec les boutons qui sont pour moi beaucoup trop proches. Alors, ça reste très sympa. Effectivement, ça reste super petit, super léger, donc bon, voilà. Mais moi, j'ai ce problème de boutons trop proches. Alors, petit et léger, je rebondis là-dessus. Heureusement que les dragons tiennent bien. Ouais. Parce que globalement, tu te rends pas compte, le truc, tu fais un mouvement un peu brusque. T'as tellement pas l'impression de le tenir dans ta main parce que c'est léger. Quand tu as un Joy-Con tout seul. Hein. Ouais, un Joy-Con tout seul. Quand tu fais le jeu du cowboy, par exemple. Ce genre de truc. Non, mais c'est simple. Heureusement que c'est attaché. Parce que autant une grosse manette, ça, elle est lourde, tu la tiens bien, tu sens que tu la tiens. Autant là, c'est tellement léger, tellement. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. Mais bon, du coup, je raconte mon anecdote. Ne laisse pas traîner ta dragonne si tu as un chat qui aime bien attraper tout ce qui ressemble à un élastique à cheveux, parce qu'on a chopé le chat en train de se balader dans un salon avec le truc dans la gueule. Et donc, ça devait être trop mignon. Vous ne savez pas, mais Monsieur Poutounours c'était genre reviens là. Et le chat était genre m'en bats les couilles. C'était super drôle. Voilà. Donc voilà, non, faites attention. Non, en vrai, c'est ce que disait Mac tout à l'heure, c'est petit. Et mine de rien, hyper facilement ce truc-là. Moi, je sais que quand on a essayé One to Switch et qu'il y avait les jeux genre la bouteille à secouer et à faire passer, j'étais super mal quand j'avais la bouteille dans les mains, le Joy-Con dans les mains, parce que j'étais crispée de dire putain, mais le lâche pas, c'est super léger. Oui, surtout léger, que comme tu dois petit, vite passer la bouteille, du coup, vite passer le Joy-Con, tu remets pas la dragon, et c'est vrai que c'est. C'est un autre défaut. C'est vrai que j'ai vraiment insisté en plus, moi, à chaque fois pour la série. Tu sers bien. Ouais, surtout avec les petits, parce que c'est compliqué, mais un petit. Je stressais. Bon, par contre, l'épreuve du bébé, c'est. Je le redis à chaque fois, mais c'est interdit. C'est un autre défaut de la console pour moi, qui est un par nature, mais qui est quand même un truc pénible, c'est que ça fait du matos. C'est-à-dire que les dragons, tu les as pas tout le temps, il faut les mettre quelque part. Le support Joy-Con pour le mettre en mode manette. Tu t'en sers pas tout le temps, il faut le mettre quelque part. Et tout ça, l'air de rien, c'est des trucs. Il faut s'organiser si tu veux pouvoir les avoir sous la main rapidement, tu vois. Et alors que, c'est vrai que sur une console de salon classique, ta manette, tu la laisses quelque part, tu lui trouves une place, c'est fini. Sur la table basse, sous la télé, Alors que là, t'es potentiellement en permanence en train de changer, etc. Il faut trouver de la place. Il faut les avoir ça. Plus ou moins sous la main, parce que c'est vrai que t'as pas envie non plus de te faire chier à aller chercher la boîte qui est dans l'étagère, tu vois. C'est ça aussi, c'est que l'idée, c'est que tu peux rapidement passer du mode tablette au mode télé, machin. Ah ouais. Mais en plus, ça coûte cher. Hein. Mais c'est ça, rapidement, à condition. 5,50€, la dragonne. Oh. Ah oui, c'est... Non, mais ça m'a choqué, moi, ça. C'est ouf. Ça devrait être fourni avec la manette, pour moi. C'est cher. Autre chose sur... la disparition du Miiverse. La disparition du Miiverse, oui, on peut en parler. Bien ou pas bien alors ? Bah, je sais pas, moi j'aimais bien, moi. Moi, il y a personne dessus. Ouais. Mais j'étais tout seul, j'étais content, j'aimais bien. Je promenais, j'étais bien. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes gens qui discutaient sur le Miiverse. Et Nico. Un peu particulier. Je vous conseille le compte Twitter Les Tréfonds du Miiverse. Là, dit comme ça, je suis pas sûre qu'on en ait envie, en fait. Bon. Ah, c'est intéressant. C'est drôle, ça montre ce que vos enfants font quand ils sont tout seuls devant la Wii U. Ils se croient tout seuls. Quand ils se croient tout seuls, effectivement. Ouais, j'aimais bien, moi, le Miiverse. Bon, il se passait rien. Ouais, tu m'étonnes. C'était calme. Mais bon, ça change de Facebook, quoi. Ah, totalement. Et on me fait signe dans l'oreillette qu'il va falloir qu'on s'arrête. Bon. Et on me fait signe dans le téléphone que les sushis vont arriver. Oh là là, vous parlez tout. Vous parlez tous en même temps. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. C'est pas une raison pour parler tous en même temps. Non, moi je dis juste que si on continue, à un moment donné, on pourra plus enregistrer, on va finir par discuter entre nous, les gens nous entendront plus, je vois moins l'intérêt. Mais voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, la Switch, on vous encourage surtout à la tester si vous ne l'avez pas testée. Donc, du coup, faites le tour, je ne sais pas, de votre entourage, allez peut-être en magasin. Est-ce qu'il y a des démonstrations dans les magasins ? Tiens, très bonne question. Alors, par contre, j'ai remarqué une grosse différence à Avignon. On a deux au champ à Avignon. Il y en a un où le rayon Switch, c'est juste une étagère et rien d'autre. Et on a un autre au champ qui s'appelle Le Pontet, où par contre, eux, ils ont fait une vitrine, ils ont fait un grand rayon. Ouais, ils doivent avoir un anti-Nintendo. On n'a pas la même confiance dans le produit. Après, c'est pas la même taille de magasin non plus. Ouais, mais pas la même taille. Quand tu vois le rayon jeux vidéo, c'est peut-être pas qu'une question d'échelle, ouf, j'ai l'impression. Ouais, non, ils sont très très branchés sur les jeux vidéo et tout au Pontet. Ouais. L'autre grand magasin, effectivement, je crois que c'est celui-là qui a un gros rayon de produits dérivés, etc. Aussi, ah ouais. Semble, hein, voilà. Ah bah t'as les rayons de jeux et en fait, au bout, t'as un rayon en perpendiculaire et c'est que du. Toi, si tu as envie de visiter Auchan le Pontet, voilà. Voilà. Bon, par contre, Auchan Mistral 7, un peu cher. Trop petit. Trop petit. On vous aime quand même, les gars. Bon, donc la Switch, on vous encourage surtout à l'essayer. Essayez le Zelda, faites-le. Voilà, je sais pas. C'est le bon moment pour acheter une Wii U, hein, même si vous voulez pas investir sur n'achetez la Switch. N'achetez pas One to Switch. Non, n'achetez pas One to Switch. Achetez Zelda. C'est absolument pas nécessaire. Et achetez Wonder Boy. C'est absolument pas nécessaire. Mais voilà, ça reste une console, ben quand même, qui pour l'instant ne nous a, on va dire, pas trop déçus, nous a plutôt convaincus. C'est peut-être surtout la force du Zelda, mais bon, voilà. Et le retour de Nintendo. Je pense qu'il y a de belles promesses, ouais. Je pense qu'il y a de belles promesses derrière, à eux de les tenir après. Voilà, et ben ce sera l'occasion, on verra ça probablement sur le traditionnel bilan de fin d'année. D'ici là, on aura plein de choses qui sera sorties, le Mario Kart, les addons des Sims, Super Mario Odyssey, les addons des Sims, etc. Bref, Wonder donc on Boy. Vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur un thème qu'on ne connaît pas encore, donc on peut pas vous l'annoncer, mais bon, on essaye ça de faire ça dans un mois, et puis n'hésitez pas à nous faire vos premiers tours sur cette émission, et nous on vous dit salut. Salut. Salut. Salut.